Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française présente, dans le cadre de la communauté radiophonique, des programmes de langue française, relayés par l'Institut national belge de radiodiffusion, une pièce en trois actes d'Édouard Bourdet, Le sexe faible, dont M. Jean Meyer a réglé la mise en scène, diffusée de la Comédie française à Paris, salle Luxembourg. Nous vous en donnons l'interprétation. Jean Meyer, Manuel. Jacques Charon, Antoine. Robert Hirsch, Carlos. Jean Pia, Jimmy. Georges Descrières, Philippe. Jean-Claude Armand, Jules. René Camoin, premier américain. Avec Micheline Boudet, Lily. Denise Noël, Dorothée. Marie Sabouret, Christina. Lynn Noro, Clarisse. Denise Jans, la comtesse. Michel Grélier, Nicole. Gabrielle Dorzia, Isabelle. Françoise Carrel, première américaine. Denise Pezzani, Louise. Et les élèves du conservatoire, messieurs Rio, deuxième américain, Périmoni, un garçon, Tourin, un chasseur, et mademoiselle Mérouse, deuxième américaine. Charles Houlmont vous parle. Il me plaît, avant que l'on frappe les trois coups sur le premier acte du sexe faible que vous allez entendre ou réentendre, d'écouter la compagne d'Édouard Bourdet expliquer si parfaitement la méthode de travail de son mari. Ainsi pourra-t-on suivre plus encore, avec tout l'intérêt qu'elle mérite, une pièce fortement charpentée comme celle-là. Ce n'est que lorsque Bourdet avait ses trois ou quatre actes solidement établis dans sa tête qu'il commençait à les écrire, ne partant jamais à l'aveuglette sur une simple jolie idée de premier acte, comptant sur ses personnages pour lui apporter un dénouement. C'était presque toujours la solution d'une situation, nous dit Madame Denise Bourdet, c'était l'aboutissement logique d'un caractère qu'il trouvait d'abord. Et il réfléchissait en quelque sorte à rebours, inventant peu à peu le milieu et les personnages engendrant le conflit. Quant au dialogue, il lui donnait jamais aucun mal à composer, et contrairement à tant d'autres, Bourdet écrivait dans l'ordre rigoureux de leur succession les scènes de la pièce jusqu'à la dernière. Disons en outre que pour être tout à fait naturel, bien souvent c'est à mi-voix qu'il essayait ses répliques. C'est ce qui lui permettait ensuite d'ailleurs d'indiquer aux acteurs pendant les répétitions l'intonation exacte, parfait lecteur lui-même de ses pièces, ne laissant rien adviner de la psychologie des personnages. Une remarque de Bourdet lui-même maintenant qui indique son mode de travail, lorsqu'il dit « Ce ne sont pas les seules répliques dont l'auditeur a semblé se désintéresser qu'il faut couper, c'est avant, bien avant ». Soulignons aussi que plus d'une fois, et en particulier lorsque le fameux Reinhardt monta le sexe faible à Berlin, Bourdet craignit une intrusion trop souvent excessive du metteur en scène, alourdissant la pièce par des inventions parfaitement inutiles. Exemple, la chanson rengaine que tour à tour le maître d'hôtel, la vieille comtesse et les autres personnages fredonnaient à Berlin comme un leitmotiv wagnérien. Et en somme, ce malaise de l'auteur indique bien comme Bourdet tenait à une rigueur simple, directe. Et n'oublions pas que d'autre part, il n'aimait guère les précautions oratoires ni les réticences. Étonnons-nous après cela que le sexe faible triompha dès le mois de décembre 29, date de sa célèbre création. 800 représentations tout de suite. Et c'est en somme cette pièce qui consacra définitivement la réputation de l'auteur. On compara Bourdet à Beck pour son côté dur et cruel. On voyait avant tout dans la pièce la peinture d'une société en voie de disparition. Quelques-uns même s'étaient demandé si le public accepterait sans malaise cette peinture vive des milieux de palace et plus encore la morale au moins singulière d'une mère de famille ne connaissant aucun scrupule lorsqu'il s'agissait pour ses fils de le faire faire de riches mariages. Or, 17 ans après la création, le public réservait à cette satire un accueil plus chaleureux encore. Et les coureurs de dot parurent alors aussi vivants, aussi présents que les corbeaux de Beck ou même que les marquis de Molière. L'on ne cessa dès lors de souligner la force vraie et sincère de ce terrible sexe faible. De la Michaudière à la Madeleine, de la Madeleine à la Comédie française, la pièce ne cessa jamais de faire rire et aussi réfléchir. Aujourd'hui, interprétation aussi éclatante, certes, qu'en 1929, lorsque Victor Boucher, brasseur, Noguero, jouait aux côtés de Chérel et de Moreno, qui, elle, interprétait la comtesse. Le sexe faible, n'est-ce pas en définitive le sexe masculin, lorsqu'il s'agit de sa lutte avec l'autre sexe faible? Et l'on me permettra alors de citer, puisqu'elle me paraît en situation, cette réplique que jetait dans une de mes pièces un acteur précisément de la maison de Molière. L'homme est très fort, mais quand la femme est forte, elle est toujours plus forte que l'homme le plus fort. Pauvre sexe faible, vous le voyez. Acte premier. Un petit salon, ravissant d'ailleurs, dans un grand hôtel à Paris. Portes à droite, à gauche et au fond, un ameublement de palace, mais de palace distingué. À droite, sur un guéridon, un appareil téléphonique, au centre, une malle ouverte, d'où Louise, la femme de chambre, est occupée à déballer des effets. Nicole, tu es dans mon bain. Oh, mais ça ne fait rien. Louise, tu peux nous laisser un instant? Voilà, j'ai fini. Tiens, tu devrais bien aller déballer mes affaires. Votre malle est ouverte? Oui. Dis donc, qui était avec maman? Monsieur Manuel et ses deux aînés. T'étais pas folle de venir ici, toi? Ne m'attrape pas, Jimmy, j'avais trop envie de te voir. Tu sais que c'est le petit salon de maman, et si elle peut très bien entrer? J'ai un prétexte si elle entre. Une commission de la part de ta sœur. Ah, elle sait que tu es ici, Lily? Non, elle m'avait seulement dit de téléphoner. Mais si j'avais téléphoné, je ne t'aurais pas vu. Alors, comme elle m'envoyait porter des échantillons chez une cliente, j'en ai profité pour m'arrêter ici. Mais rassure-toi, je ne peux rester que 2 minutes. Tu ne peux pas m'embrasser? Si. Ah, encore dit, c'est si beau. Non, mais si maman entrait... Oh, elle n'entrera pas. Ah, ce que je t'aime, tu ne peux pas savoir. Tu aimes m'embrasser, Jimmy? Oui, mais pas ici. Non, écoute, tu ne peux pas qu'on déjeune tous les deux ce matin? Mais où? À la maison. Et ta mère? Elle n'est pas là, elle est à Cannes avec papa, je suis toute seule. Il n'y a même pas Virginie, je lui ai donné congé exprès. Tu veux bien venir? Oui. Oh, chic. À quelle heure? Vers 1 heure. Ah non, c'est trop tard. Il faut que je sois rentrée au bureau pour 2 heures, sinon ta soeur m'attrapera. Et viens à 12h30 au moins. Je t'en serai. Et tu ne seras pas trop exigeant pour le déjeuner, parce que tu sais, c'est moi qui le ferai. Et qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu voudras, ça m'est égal. Alors je prendrai de la viande froide. Comme ça, on n'aura plus de temps. Je suis contente de te voir. C'est vrai? Oh, tu as pensé à moi là-bas? Oui. Tu ne m'as pas écrit souvent. Tu t'es amusée? Penses-tu? Oh, tu dis ça. Ben, je le dis parce que c'est vrai. Mais ton américaine. Quoi, mon américaine? Tu es toujours aussi amoureuse? Mais non. Oh, menteur, je ne sais pas pourquoi tu étais là-bas. Eh ben, si tu le sais, pourquoi est-ce que tu me poses des questions, idiote? En tout cas, ça peut te faire plaisir, je me suis rudement embêtée. C'est vrai, justement. Tiens, Nicole. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? J'étais venue vous faire une commission de la part de Lily, madame. Elle me fait dire qu'elle était désolée de ne pouvoir aller à la gare, mais qu'elle a pu s'échapper. Elle tâchera de venir dès qu'elle aura un instant. Bon. Voilà, madame, maintenant que ma commission est faite, je vais me sauver. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, Jimmy. Au revoir, Nicole. Hein? Midi et demi. Oui, oui, oui. Ben, c'est toi qui l'avais demandé? Oh, pas du tout, non. Je suis entré par hasard et elle était là qui attendait, alors je me suis arrêté pour lui dire bonjour, voilà tout. Pourquoi elle est là avec les petits? Ah. Venez dire bonjour à l'oncle Jimmy, les amis. Bonjour, Jimmy. Bonjour, les gosses. Bonjour, Manuel, comment ça va? Et toi? Bien, merci. Et Kuka, où est-elle? À la maison. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Elle est trop petite. Ah, voilà. Angelica va bien? Ouais, je suis comme ça, enfin, elle va aussi bien que possible dans son état. Quel état? Oui, Angélie, tu sais bien qu'elle attend un bébé. Ah, c'est vrai, au fait, oui. Félicitations. Oh. Tu n'es pas content? Oh, tu sais, 4 enfants à l'heure qu'il est, au prix où elle vit, c'est pas drôle tous les jours. Ah, vas-y, t'attends que je te plaigne. Oui, je sais bien, figurez tous ici que j'ai de l'argent de savoir quand faire. Oh, mais non, mon chéri, personne n'a jamais prétendu ça. Mais si, vas-y, je passe pour un gros capitaliste, c'est connu. Mais... Non. Demande à Jimmy, tiens. En tout cas, si tu veux changer avec moi, tu sais, te gêne pas, hein. Tout à ta disposition. Tu vois? Mais tout le monde sait que tu as des chats. Oui, ben on n'en jugerait pas. Après ce que tu viens de me demander il y a 5 minutes. Je t'ai demandé ça parce que j'ai pensé que tu pourrais peut-être me rendre un service momentané sans que... Eh bien non, maman, je ne peux pas. Je regrette beaucoup, mais je ne peux pas. Viens, c'est entendu, il en parle plus. Non, tout juste de quoi vivre en faisant très attention, je te prie de le croire. Je demandais pas mieux, moi aussi, que de me payer un appartement dans un palace, ah ouais, comme vous. Je t'ai déjà expliqué que si nous sommes ici, c'est parce que Lily m'a demandé de garder l'appartement encore quelques jours. C'est pas comme elle était en plein dans les travaux rue Grandbon, elle a installé une partie de ses ouvrières à la maison. Je ne pouvais pas lui refuser ça. D'ailleurs, elle prend mes dépenses ici à sa charge. Pourquoi as-tu besoin d'argent, alors? Mais mon enfant, parce que... Laisse donc, moi, quoi, pour toutes ces explications. Mais tu te rends pas compte de ce que coûte un séjour à Pau. Qu'est-ce qui vous forçait à y aller? Vraiment, ce qui nous forçait... Non, mais tu sais aussi bien que moi. Ça, je t'assure que je me serais très bien passé de ce petit voyage. Et moi, donc? Oui, en tout cas, je constate une chose, c'est que pour me marier, moi, tu n'as pas jugé utile de faire tous ces frais. Il n'a pas été question d'aller à Pau pour moi, ni à Cannes, ni à Biarritz. Eh bien, ça prouve que tu as eu plus de chance que tes frères, voilà tout. Non, tu fais ce qui te plaît, ça ne me regarde pas. J'allais te le dire. Mais toi, je t'ai évité de prendre cette peine. Vous n'avez pas commencé à vous disputer? Oh, c'est pas moi qui commence. Ah, tu sais que Manu n'a rien entendu dire sur Philippe et Christina, n'est-ce pas? Non, rien. Du reste, ils ne m'ont pas donné signe de vie depuis votre départ. Ils n'ont même pas fait prendre des nouvelles d'Angélique. Ça ne m'a d'ailleurs pas autrement étonné de leur part. Qu'est-ce qui t'a parlé de cette histoire? Ben, c'est Clarisse qui m'a télégraphié, c'est pour ça que je suis revenue. Et qu'est-ce qu'elle disait dans son téléphone? Elle m'a parlé d'un événement grave survenu entre Philippe et Christina et elle me conseillait de rentrer le plus rapidement possible. Je ne sais rien de plus. Ouais, Christina aura fini par en avoir assez. Ouais. Avoue que Philippe ne l'aurait pas volé. Oh, bah, il faut être un peu indulgent pour Philippe, c'est un enfant. Mais tout le monde ne peut pas être aussi raisonnable que toi, mon grand. Heureusement, Seigneur. Fini? Rien. Oui, oh, tu peux faire le malin. Hein. Tu seras peut-être bien content un jour ou l'autre de venir me le chercher, toi. Oh, bah, pour ce qu'on te trouve quand on te cherche. Oh, oh, oh, oh, bah, je me souviendrai de ça. Oh, mais tu peux. Commencer. Non, ça va, je m'en vais. Enfin, dis donc, Lily ne t'a rien laissé pour moi? Ah, ben Lily, je ne l'ai pas encore vue. Elle m'a fait dire qu'elle tâcherait de passer tout à l'heure si elle avait un instant. Il paraît qu'elle a un travail fou. Ah oui, je suis pas assez rue quand on n'a même pas pu me recevoir. Bon, as-tu une commission pour elle? Non, ça ne fait rien, je lui téléphonerai. Au revoir, maman. Au revoir, mon grand. Tu embrasses Angélica pour moi. Merci, allons les enfants, dites au revoir à Mamita. Au revoir, Mamita. Au revoir, mes trésors. Au revoir, mon petit Lily. Non, on ne va pas prendre un taxi. On va prendre le métro. Nous ne sommes pas assez riches, nous, pour prendre des taxis. Ah, il n'a pas changé, celui-là. Il est toujours aussi radin. Oh, mais assommant, tous les deux. Et moi, je suis assommant. Non, mais c'est vrai, tu passes ton temps à te taquiner. Tu sais pourtant combien il est susceptible. Ouais. Et puis, ne reste pas assis en pays noir, tu vas prendre froid. Bien, comment vas-tu faire, puisque Manuel n'a rien voulu savoir? Ah, ça? Elle demande à Clarisse, voilà tout. Oh, Clarisse. Ouais. Ah, et tu sais comment elle est. Et puis elle va trouver que je lui demande un peu trop souvent. Faut tout de même bien en sortir d'une façon ou de l'autre. On peut entrer? Ah, c'est toi, Lily. Mais oui, bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, toi. Je te demande pardon de ne pas avoir été à la gare, mais il n'y a pas eu moyen. J'ai une première malade depuis hier, je ne sais plus comment je vis. Depuis 8 heures, je n'arrête pas de monter et de descendre les étages. 8 heures du matin? Oui. Eh ben, tu travailles de bonne heure. Il faut bien. Je suis venue à l'instant en courant pour te dire bonjour, mais il y a 3 courtiers américains qui m'attendent et il va falloir que j'y aille. Je viendrai déjeuner avec toi si tu veux. Hein. Oui, attendu. Oh, ça ne t'a pas contrarié de me laisser l'appartement encore mais quelques non, jours? Mais non, je suis arrivée puisque ça te rend service. Je suis en plein dans ma collection d'été. S'il avait fallu déménager en ce moment, je sais pas comment j'aurais fait. Alors ça garde tes affaires, à ce qui paraît. Ça commence, oui. Plus de 3 millions de commandes le mois passé. Qu'est-ce que tu payes? Oh, tu te toupes? Ça ne suffit pas que je règle tes dépenses ici? Mais c'est pas moi qui ai demandé à y venir. Oh, non, ça, vous êtes extraordinaires, tous. Manuel, lui, il a trouvé autre chose. Oui, vous l'êtes voir. Je sais, je l'ai rencontré en arrivant. Voilà 3 semaines qu'il me rase pour que je lui prenne de l'argent dans l'affaire. Il m'offre tout ce que je veux. À 10%. Plus une part dans les bénéfices, tu penses? Ah, tu entends ça, maman? D'abord, j'ai pas besoin d'argent. Et puis, si j'en avais besoin, j'en trouverais un meilleur compte. Enfin, pour que Manuel offre son fric, il faut que la maison ait une bonne réputation. Ah, ça, tu peux le dire. Bon, dis-donc, et toi, ça a marché là-bas? Oui. Alors ça y est? Ah, pas encore. Quand revient-elle, ton américaine? Je sais pas. Dis donc, tu vas tâcher de me l'amener quand elle sera là. Hein? Ma collection sort la semaine prochaine, je compte sur toi. Ah oui, mais hey, 10%. Hein? Oh non, pas 10, 5. Et c'est déjà joli, tu sais. Oh, Jimmy, je te répète que tu vas prendre froid si tu restes là. Non. Dis-moi, Lily, est-ce que tu sais ce qui est arrivé? Ce qui s'est passé entre Philippe et Christina? Ah non, ça, je ne sais que ce que Clarisse t'a télégraphié. Je n'ai vu absolument personne depuis 3 semaines. Je ne suis pas sortie une seule fois. Je ne quitte jamais la rue Cambon avant 8h30 quand ce n'est pas 9 et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Philippe m'a téléphoné l'autre matin pour me demander un rendez-vous, mais j'ai pas pu trouver le temps de le voir. Tu ne sais pas ce qu'il te voulait? Non, il m'a simplement dit qu'il désirait me parler, il avait l'air embêté. Quant à Christina, elle a commandé un manteau du soir, il est allé essayer depuis 3 semaines, elle n'est pas encore venue. Mais c'est pas très bon signe, ça. Ah, ne t'inquiète pas, elle l'a commandé, elle le prendra. Oh non, mais c'est pas ce que je voulais dire, je pensais à Philippe. Oh, ça, qu'est-ce que tu veux, il récolte ce qu'il a semé. Hein. Là-dessus, mes enfants, je vous aime bien, mais il faut que je retourne travailler. Je tâcherai d'être là vers 12h30 pour déjeuner parce que j'ai rendez-vous à 14h avec l'architecte. Oh, ça va? Oui, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dis donc, Jimmy. Oui? Ben, si je demandais à Lily plutôt qu'à Clarisse, Lily? Bah oui, puisque ses affaires marchent aussi bien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus normal de demander à Clarisse. Tu crois? Quoi, elle est là pour ça, non? Si papa l'a épousée, c'était pas pour son plaisir, tu supposes. Le masseur est là. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Bah, j'ai la manucure à 11h moins le quart. Après, je tâcherai de passer chez Pagès, qui m'a livré un gilet blanc raté. J'irai faire un tour au bois. Mais t'as le son de boxe. Oh, bah, pas ce matin, comment veux-tu que j'aie le temps? Allô? Ah oui, priez la de monter. Bon, c'est Clarisse. Oh là! Reste au moins pour lui dire bonjour parce que tu es là. Oh non, zut, elle me rase. Oh bah tu vois comme tu es. Tu me dis de lui demander un service et tu peux même pas faire l'effort d'être un peu aimable. C'est une vieille chippie, elle a toujours quelque chose de désagréable à vous dire. Oui, j'aurais vu que ça, vous étiez gentil avec elle tous les trois. C'est pas, je passe mon temps à réparer vos impolitesses. Bah, vous pourriez bien vous souvenir qu'elle est votre belle-mère après tout. Oui, bah nous n'y sommes pour rien. Bon, alors tu t'en vas. Mais j'ai le masseur qui m'attend. Oui, bah et tu reviendras quand il sera parti. Si tu y tiens absolument. Non, non, non, tu me le promets. Oui, oui, oui, bon. Oui. Bonjour à votre Clarisse. Bonjour Isabelle. Tiens. Oh, comme tu es gentille. Oh, les belles roses. Louise, mettez tout de suite ces fleurs dans l'eau. Pas trop fatigué? Oh, si, un peu, un peu. Jimmy est resté là-bas? Non, il est là, il va venir te dire bonjour. Mais comment ça va avec la petite Freeman? Ah, mon Dieu, ça va pas mal, mais enfin, tout de même, je trouve que ça traîne un peu. Mais elle est revenue en même temps que vous? Non, malheureusement, elle est restée là-bas, et c'est bien ce qui m'inquiète. Alors pourquoi n'as-tu pas laissé Jimmy là-bas? Mais c'est lui qui a voulu revenir. Il trouve qu'au point où ils en sont, une petite séparation ne sera pas mauvaise. Je te raconterai. Oui, mais avant tout, parle-moi de Philippe. Tu ne l'as pas encore vu? Non, je lui ai dit de venir vers midi, je voulais t'avoir vu toi avant. Enfin, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que ton fils a une maîtresse. Oh, bah naturellement. Quoi, naturellement? Non, enfin, je veux dire, c'est ce que je craignais. Et Christina le sait. Ah. Et elle veut divorcer. Non. Si. Oh, bon, voyons, c'est pas la première fois. Elle sait très bien que ça n'est pas grave et qu'il lui reviendra. Elle n'y tient peut-être plus à ce qu'il lui revienne. Tina, mais non, non, elle l'adore, voyons. Tu imagines toujours que tes filles sont impossibles à remplacer. Ben non, j'imagine pas ça, mais enfin... Il y a d'autres hommes à Paris, tu sais. Aussi bien qu'eux. Oh, ben tu sais, il n'y en a pas des tas. Si, si, si, aussi, il y en a. Oui, enfin, dans le genre joli garçon, peut-être. Mais le modèle de Philippe, crois-moi, ça ne court pas les rues. Pour... Quoi, tu ne trouves pas que Philippe est beau, peut-être? Si, il est beau. Ah. Comment ne soit-il pas beau avec un père comme le sien? Mais la beauté, ce n'est pas tout. Ah, oh, bah, c'est tout de même le principal. Son père, oui, n'était pas seulement beau, il était fidèle. Ah, oh, c'était une autre espèce de mari, oui. Je connais aussi bien que toi les qualités de son père comme mari. Seulement, s'il n'avait pas commencé par être très beau, nous ne nous serions peut-être jamais aperçus qu'il les avait, ces qualités, reconnais-le. Oh, je l'aurais aimé même s'il avait été là, moi. Ah, on dit ça. C'est que tu ne l'as jamais aimé comme moi, vois-tu, Isabelle. Tu ne peux pas comprendre. Oh, oh, oh non, écoute, tu ne veux pas commencer cette histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire? Non, mais c'est vrai, tu te crois toujours obligé de me donner des leçons sur la façon dont j'aurais dû aimer Ignacio. Non, mais j'en ai assez à la fin. Il a été mon mari pendant 18 ans. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas regardé un autre homme. Tu entends pas un? C'est tout les mettant que ça, comment un tout pour consentir au divorce? Oui, ben qu'est-ce qui serait arrivé si je n'y avais pas consenti? Ah, ben, tout ce que j'avais était dans ces mines du Caucase où papa avait placé sa fortune. Eh bien, quand tout a été pris par les bolcheviks, il a quand même fallu vivre. Eh bien, comment aurions-nous fait? Avec le luxe auquel Ignacio était habitué et 4 enfants à élever, ça va vite, tu sais, les dettes. Eh bien, il n'y avait qu'une solution, c'est que je me sacrifie. Eh bien, je me suis sacrifiée, voilà tout. Oui, pour tes enfants. Pardon, pour lui d'abord. Oh, allons donc. Mais parfaitement, et je n'ai fait que ce que je devais. Oh. Nous nous étions épousés parce qu'il était beau et que j'étais riche. J'étais devenue pauvre et il était toujours beau. Eh bien, je n'avais qu'à disparaître. Magnifique. Et si tu veux tout savoir, c'est même moi qui lui ai conseillé de t'épouser. Vraiment? Oui. Je ne voyais pas mes devant lui chaque fois que nous nous trouvions ensemble. Et je savais qu'il n'avait qu'un geste à faire pour que tu lui tombes dans les bras. Eh bien, c'est moi qui lui ai conseillé de le faire, ce geste. À cause de mes dollars, sans doute. Madame. Non, mais pour quelle raison veux-tu qu'il nous ait épousés, moi d'abord et toi ensuite, sinon pour celle-là? Ah, charmant. Ouais, et si tu veux tout savoir, s'il n'avait pas pensé en plus que tu étais capable de le rendre heureux, eh bien, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Quelle chance que tu avais une aussi bonne opinion de moi. Ah, mais ça, tu peux le dire, parce que tu sais, il y avait l'embarras du choix. En tout cas, ça n'a pas été une mauvaise combinaison pour toi, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu n'y as pas perdu. Oh non, mais tu n'aurais tout de même pas voulu qu'Ignacio laisse sa famille mourir de faim. Oh, oh, oh, pour ça, il ne l'a pas laissé mourir de faim. Ses carnets de chèque le prouvent. Oh, oh, oh, comme c'est joli. Oh, comme c'est délicat ce que tu viens de dire. Tu trouves que c'est tellement délicat ce que tu m'as dit, toi? Mais quoi, qu'est-ce que je t'ai dit? Ignacio m'avait épousé à cause de mes dollars. Eh ben, et après, t'as-t-il rendu heureuse ou non? Oui, très heureuse. Eh ben alors, de quoi te plains-tu? Oh, puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu m'as parlé d'Ignacio. Mais c'est pas lui qu'il s'agit, c'est Philippe. Comment as-tu su que Christina voulait divorcer? Eh bien, c'est Antoine qui me l'a dit l'autre jour, ici. Antoine? Oui. Mais comment l'as-tu su? Par Christina. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, voilà. Je venais d'arriver. J'attendais la duchesse d'Olivares qui m'avait invitée pour prendre le thé. Mais tu as tort de prendre le thé avec la duchesse d'Olivares, je t'ai déjà dit. Pourquoi? C'est une duchesse authentique. Son mari était même altesse royale dans son pays, paraît-il. Oui. Seulement elle, elle était cocotte ici. Oui, enfin, ça ne fait rien. Cocotte? Mais oui. Enfin, écoute, pourquoi ne me demandes-tu pas avant d'accepter les invitations des gens que tu ne connais pas? C'est si simple. Mais tu n'étais pas là d'abord. Oui, enfin, ça ne fait rien, passons. En tout cas, c'est une personne très comme il faut. Passons, je te dis. Ça m'étonne beaucoup que c'est une ancienne cocotte. Tu demanderas à Antoine, là. Elle s'appelait Liane d'Aigreville. Oh, et puis je t'en supplie, continue. Bon, tu prenais le thé avec quel geste d'Olivares. Bon, et après? Eh bien, j'étais la première. Je cherche une table. Il n'y en avait plus qu'une, dans le fond, loin du passage. Je la refuse, naturellement. Je demande qu'on aille chercher Antoine. Il arrive, très gentil, comme toujours. Il me dit qu'il vient de refuser plus de 10 tables, mais que pour moi, il va s'arranger. Ouais, Antoine dit toujours ça. Pendant qu'il fait porter la table, nous parlons un peu. Il me demande si toi encore pour longtemps, à Pau. Je réponds que je n'en sais rien. Alors, il me dit cette phrase, « Peut-être que Madame Leroy Gomez ferait bien de revenir. » Je le regarde, étonné. Je lui demande pourquoi. Alors, il me raconte qu'il y a eu des drames entre Christina et son mari, qu'elle est installée ici depuis 2 jours. Comment ici? Oui. Christina est ici? Oui. Elle a quitté la rue Diana? Mais naturellement. Tu en es sûre? Puisqu'Antoine me l'a dit. Sérieux alors? Mais bien entendu que c'est sérieux! Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite qu'elle était partie de chez elle? Mais je croyais que Philippe t'avait écrit! Oh, mais Philippe n'écrit jamais! Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore arriver de ce côté-là? Oh! Ça, je n'aurai donc jamais de tranquillité avec ces malheureux enfants. Quelle heure est-il? 11h15, pourquoi? C'est pour savoir si Antoine est arrivé. Tu veux lui parler? Naturellement, je veux qu'il me raconte ce qu'il sait. Allô, voulez-vous me donner le restaurant, je vous prie? Et dire que c'est chaque fois la même chose quand je quitte Paris. Non, mais on dirait qu'ils le font exprès. Allô, le restaurant? Ah, oui, pourriez-vous demander à Antoine de bien vouloir venir à l'appareil, s'il vous plaît? Oui, pour Madame Leroy Gomez. Ah, c'est vous, Antoine. Non, mais je suis bien contente de vous entendre. Et comment allez-vous, mon bon Antoine? Oh, merci, un peu fatigué par le voyage, mais ça ne fait rien. Ah, et dites-moi donc, Antoine, vous êtes déjà très occupé à cette heure-ci, naturellement. Oui. J'aurais bien voulu causer un peu avec vous si ça ne vous avait pas trop dérangé. Il n'y aurait pas moyen que vous montiez un moment? Oui, bien sûr. Dès que vous pourrez. Merci Antoine, merci. Bon, le numéro 102, c'est ça, à tout à l'heure. Il va venir? Oui. Quel dévouement. Oh, il m'aime bien Antoine. Tu dois savoir ce que cela te coûte. Alors là, tu n'y es pas du tout. Ça, il n'a jamais accepté un sou de moi, ni personne d'ailleurs. Oh. Seulement j'y ai ici depuis 25 ans, ça, alors pour lui, tu comprends, je fais partie de la maison. Madame a sonné? Oui. Dites-moi, Monsieur Jimmy n'a pas encore fini avec le masseur? Si madame, mais la manucure est là maintenant. Ah bon, eh bien dites-lui qu'il n'oublie pas de venir saluer Madame Di Gomez, n'est-ce pas? Bien madame. Dis-moi, ma bonne Clarisse, mais pendant que nous sommes seuls, je voudrais te parler d'une question un peu délicate. Enfin, délicate, c'est pas le mot. Hein. Il ne peut rien avoir de délicat entre nous, ce serait stupide. Je t'ai toujours considérée comme la seconde mère de mes enfants. Allons, bon, et... encore. Ben quoi, encore? Oh, quand tu m'appelles la seconde mère de tes enfants, je sais ce que ça veut dire. Enfin, je t'ai encore donné un chèque de 500 000 francs il y a un mois. Ça n'est pas suffisant? Ouais, qu'est-ce que c'est que 500 000 francs à l'heure actuelle? D'abord, il a déjà fallu que j'en donne 200 au tailleur de Jimmy avant de partir. Et puis, tu n'as pas l'air de douter de ce que coûte un séjour à Pau, surtout avec une femme comme la petite Freeman qui passe son temps à souper, à boire des cocktails et à organiser des pique-niques qui ne sont pas compris dans la pension. Jimmy ne pouvait pas toujours s'arranger pour ne pas être là au moment des additions. Elle aurait fini par le remarquer. Et puis elle a voulu absolument faire une excursion de 5 jours en Espagne, et comme ils étaient seuls tous les deux, il a bien fallu que ce soit Jimmy qui paye. Pauvre petit. Il est rentré à Pau avec 10 francs dans sa poche. Et encore, il a dû emprunter au chauffeur. Oui, mais ça, c'est son affaire. Moi, je trouve que j'ai déjà suffisamment dépassé comme ça le chiffre de la pension. Arrange-toi comme tu voudras, mais ne compte pas sur moi. Bien, c'est entendu. Enfin, pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que tu t'adresses? Toi, deux filles bien assez riches. Tu pourrais demander de l'argent à Philippe dans un moment pareil. Emmanuel! Oh, Manuel. Il a sa famille. Oui, il ne sait pas comment employer son argent. J'aime mieux ne pas lui demander là. Je suis bien libre. Puisque tu ne peux pas m'aider, je m'adresserai à Lily, voilà tout. Ah, j'attendais ça. Eh bien non, tu ne t'adresseras pas à Lily. C'est moi qui l'ai commandité et je m'oppose à ce qu'elle te donne un centime. Oh, mais tu ne peux donc jamais te décider à demander de l'argent à un homme, toi. Même quand c'est ton fils, tu te croirais déshonoré, sans doute. Ah, tu m'ennuies. Je ferai ce qui me plaira. D'abord, je n'ai pas de conseil à recevoir de toi. Ah, te voilà, mon chéri. Bonjour, Clarisse. Vous allez bien? Merci. T'as pu ici, quelle belle robe de chambre. Ah, vous trouvez? Ça vient de Londres. Vous voulez l'adresse? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu as fini avec la manucure? Oui. Montre tes ongles. Tu les as bien arrangés? Oui, pas mal. Regarde, crois-tu qu'il a de jolies mains, l'animal? Exactement les mains de son père. Non. Son père avait les doigts plus longs. Que t'a dit ma sœur? Il ne t'a pas trouvé engraissé? Oh, il m'en a pas parlé. Bon, tu t'es pesé? Oui. Et alors? J'ai pris 500 grammes. Ah, tu vois, j'en étais sûre. Ce sont tous ces soupers, tous ces cocktails, parbleu. Mais il faut faire attention, mon chéri. Ne t'inquiète pas, maman, je maigris toujours à Paris. Enfin, tu vas faire le plaisir de reprendre tes sons de boxe. Oui. Dès demain matin. Oui, c'est entendu. Mais puis je trouve que tu devrais te faire couper les cheveux, là. Je t'ai fait couper il y a 8 jours. Si, ils sont un peu longs, par là. Tu trouves pas, Clarisse? C'est exprès, je laisse pousser, il les porte comme ça à Oxford. Ah, alors ça, c'est sacré. Je vais m'habiller. Bye, Clarisse. Mais tu reviendras nous dire au revoir avant de sortir. Oui, si je suis pas trop en retard. Ah. Crois-tu qu'il est beau, ce petit-là? Ouais, il n'est pas mal. Hein. Ouais. Ce sera le mieux des trois, tu sais. Non, le mieux des trois, c'est Philippe. Non, je sais ce que je dis. Oh, Philippe est splendide, naturellement. Seulement, celui-là aura plus de finesse, plus de distinction. Oui, alors, raconte-moi, il y a le tirage avec la petite Freeman? Mais non, il n'y a pas de tirage. Seulement, tu sais aussi bien quoi qu'avec les Américaines, les choses ne vont pas aussi vite. Ça, j'ai jamais rien vu d'aussi méfiant que vous. Oh, qu'est-ce que tu veux? En Amérique, un homme, ça sert à faire de l'argent pour sa femme. Ici, c'est tout le contraire. Elle n'a pas l'habitude. Oh, ben, ça, je sais, on les élève toutes dans l'idée que le mariage n'est ni plus ni moins qu'une affaire. Alors, avec des principes comme ceux-là. Oui, enfin, elle l'aime ou elle ne l'aime pas? Mais naturellement, elle l'aime, elle en est folle. Elle ne l'a pas quitté pendant les 3 semaines que nous avons passées à Pau. Le matin, ils montaient à cheval ensemble. L'après-midi, c'était le golf ou bien l'emmener dans son auto faire une excursion. Le soir, sitôt après le dîner, elle l'attendait dans le hall pour danser. Et il fallait voir la tête qu'elle lui faisait et la scène qu'elle lui faisait s'il avait le malheur de s'attarder au bar avec des camarades. Elle ne se fait pas oublier, celle-là, je te prie de le croire. Elle a bien raison. Et puis, il y avait les petites soirées dans sa chambre. Dans sa chambre? Oui, elle prétextait une migraine pour ne pas descendre. Et il lui demandait de venir dîner à côté de son lit. Oui, soi-disant pour lui tenir compagnie. Comment, soi-disant? Non, voilà, tu devines ce qu'elle aurait voulu, parbleu. Non. Naturellement, mais elle a tout fait pour y arriver. Elle le recevait couché, dans un pyjama de crêpe de Chine noire, ma chère, oui, tout simplement. Elle a même été un soir jusqu'à essayer de le griser. Ah, ben, elles n'ont pas froid aux yeux, tes compatriotes. Oui, seulement elle en a été pour ses frais, je suis sûre de mon petit Jimmy. Il n'a pas perdu le tête? Ah, mais non, il est beaucoup trop raisonnable. Alors, quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à ses fins par cette méthode-là, elle a essayé d'une autre. Et elle s'est fait faire la cour par un Italien qui était à l'hôtel. Qui ça? Oh, une espèce de bellâtre, le marquis de Bella Rosa. Francesco? Oh, mais je le connais. Oh, bah, tu as de jolies relations. Et alors, quel effet ça a-t-il eu sur Jimmy? Jimmy ne s'est pas frappé pour ça. D'ailleurs, avant que Jimmy ne se frappe, seulement comme ton télégramme est arrivé sur ses entrefaites m'obligeant à rentrer, moi, il a pensé que c'était une excellente occasion de lui donner une leçon et il lui a annoncé qu'il partait. En la laissant seule avec Francesco? Mmh. Hein? Quoi? C'est bien risqué. Bon, il dit qu'elle sera à Paris avant 8 jours. Il ne connaît pas les Américaines. Mais enfin, en tout cas, il est incontestable que Jimmy est 100 fois mieux sous tous les rapports que ce Bella Rosa. Peut-être, mais il n'est pas marqué. Comment je déjeunerai pas ici? Ah bon, mon chéri, où déjeunes-tu? Avec un camarade. Vous avez votre voiture en bas, Clarisse? Pourquoi? Je veux vous faire conduire au racing, je vous la renvoie tout de suite. Mais tout de suite, alors! Ah oui, ça, je vous le jure, oui. À bientôt, hein. Vraiment. Va, mon chéri. Ah, tiens, en fait, c'est ce que je viens de recevoir. C'est de Dorothée? Oui. Ah. Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Lee. I'm leaving at noon, motoring down to Florence with Francesco. C'était sûr. Ah, tu vois, tu ne veux jamais écouter mes conseils. Tu ne devais pas partir en laissant cet aventurier derrière toi. L'occasion était trop belle, il ne l'a pas manqué. Mon Dieu. Est-ce que tu avais parlé de ce voyage à Florence? Ben non, c'est lui qui a arrangé ça. Il est de Florence. Comment, il est de Florence? Mais oui, sa famille y habite. Mais alors qui nous dit que ce n'est pas pour la présenter à sa famille qu'il l'emmène à Florence? Sois sûr, en tout cas, que c'est ce qu'elle a voulu me faire croire en m'envoyant ce télégramme. Alors tu crois que ce n'est pas sérieux? Mais je crois qu'elle a encore plus envie de m'embêter que de l'épouser, voilà tout. À ta place, je ne m'y fierai pas. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien, qu'est-ce que je fasse? Enfin, tu vas répondre à ce télégramme. Ah, non? Sûrement pas. Eh ben, tu as tort. Mais voyons, maman, où elle a vraiment l'intention de l'épouser? Et alors, ma foi, tant pis qu'elle l'épouse. Ou alors, elle a seulement envie de me faire marcher, ça c'est la dernière des bêtises de lui procurer ce plaisir. Ça recommence à la première occasion. Mais t'inquiète pas, maman, tout ça s'arrangera très bien. Oh, toi, tu dis toujours ça, tu as toujours confiance. Ben, quoi, ça sert-il de se désespérer? Du coup, il n'y a pas que Dorothée au monde. Bon, j'ai 24 ans, j'ai encore le temps de tout me caser. Pas vrai, Clarisse? Peut-être, mais alors, ta mère aurait vraiment pu éviter la dépense de ce séjour à Pau. C'est oui, par exemple. Qu'est-ce que je pouvais pas prévoir que nous allions tomber là-bas sur le Francesco aux aguets? Mais le Francesco n'aurait pas existé si tu étais resté là-bas comme je te l'avais demandé. Simplement, tu n'en fais jamais qu'à ta tête, alors tout va le résultat. Écoute, maman, zut, là tu me feras de la morale un autre jour. Demain, t'es suivant, on recommencera à s'occuper des choses sérieuses. Aujourd'hui, on vient de rentrer, c'est encore vacances, je peux bien souffler un peu une fois par hasard. Non, tu n'es pas sérieux, mon enfant. Mais si, je suis sérieux, et donc un peu de patience, t'en prie. Et je me sauve. Au revoir, Clarisse. Au revoir. Merci pour la voiture. Oui. Oh, ces enfants, quel tracas. Cette petite, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Pas jolie, à peine plus âgée que lui, divorcée donc. Pas de parents à consulter, ce qui vaut toujours mieux. Oui, et 100 000 dollars à dépenser par an, ce qui ne gâte rien. Monsieur Antoine est là. Qu'il entre. Bonjour, mon bon Antoine. Oh, comme c'est gentil à vous de vous être dérangé. Je vous suis très reconnaissant. Ce n'est rien, madame. Bonjour, Antoine. Oh, madame Ligomez. Madame m'excusera si je n'ai pas pu venir plus tôt, mais je n'avais pas fini les commandes pour demain avec le chef. Ça ne vous a pas trop gêné de monter? Non, madame, non, j'ai un petit moment de répit à cette heure-ci. Madame était contente de son séjour à Pau? Oh, pas plus que ça, Antoine. Oh, j'ai rencontré Monsieur Jimmy en montant, il avait très bonne mine. Asseyez-vous, Antoine. Oh non, merci, madame, jamais. Pourtant, ici, ce n'est pas comme en bas. Oh, je ne pourrais pas, madame, il y a 22 ans que je ne me suis pas assis. Vous devez être mort de fatigue le soir. Oh non, madame, non, je suis habituée. Alors, mon bon Antoine, vous devinez, n'est-ce pas, pourquoi j'ai voulu vous voir? C'est au sujet de Monsieur et Madame Philippe, peut-être. Naturellement. Ben, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oh, ma foi, madame. Oh, vous pouvez c'est... parler devant Madame Ligomez. Elle est de la famille, comme vous savez. Ah oui, oh, je sais, je sais. Alors, Christina est ici? Oui, madame, depuis une dizaine de jours, elle est au quatrième. Et son mari le sait? Ah oui, madame, elle l'a prévenue avant de partir. Il n'a rien fait pour la retenir? Sans doute que non, madame. Du reste, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. D'après ce que j'ai compris, Madame Philippe était à bout. Ah, vraiment? Oui, Monsieur Philippe avait peut-être été un peu fort ces derniers temps. Ah. Mais je lui dis souvent, Monsieur Philippe, c'est pas sérieux. Un de ces jours, Madame Philippe va se fâcher et dame, il sera trop tard. Enfin, je ne serais pas permis de parler comme ça à n'importe qui, mais enfin, Monsieur Philippe a toujours été très gentil avec moi. Je l'ai connu si petit. Ouais, il ne vous écoutait pas, naturellement. Oh, il riait, il haussait les épaules, il me répondait, « Qu'est-ce que vous voulez, Antoine? Ce n'est pas ma faute. Elles ne veulent pas me laisser tranquille. Ce n'est jamais moi qui commence. Reconnaissez-le. » Et ça, c'est vrai, madame, il ne commençait jamais. Seulement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. La plupart de ces dames n'attendent pas qu'on commence. Ah, ben non. Je faisais bien tout ce que je pouvais pour lui éviter des complications. Je ne réussissais pas toujours. Souvent, quand il venait dîner avec Madame Philippe et des amis, ou bien alors l'après-midi au thé, il me faisait signe de venir lui parler. Il me disait, Antoine, qu'est-ce que c'est donc cette grande blonde là-bas qui me fait de l'œil depuis un moment? Alors moi, je croyais bien faire, je lui répondais, ce n'est pas une femme pour vous, Monsieur Philippe, vous auriez des ennuis. Et ça, ce n'était pas toujours vrai, madame. Dans le nombre, il y avait des dames très comme il faut. Une fois même, il n'a pas été content. Il y en a une qui lui fait passer un bout de papier avec son numéro de téléphone. Alors il m'interroge du regard comme ça en montrant le papier, je lui fais. Il déchire le papier pour que la dame comprenne qu'il n'y avait rien à faire. Et voilà qu'un peu plus tard dans la soirée, il apprend que c'est la princesse de Hechtensheimring, une Wittelsbach. Ça, il m'a passé quelque chose en sortant. Une Wittelsbach? Oh, Antoine, vous vous rendez compte? Bien sûr, madame, bien sûr, c'était dans l'intérêt de Monsieur Philippe que je l'avais fait. Oh, ben, naturellement. Malheureusement, à la suite de ça, il a compris que je faisais exprès de lui donner de faux renseignements. Il ne m'en a plus demandé. Et c'est comme ça que tout est arrivé. Ah! Ah, oui, si j'avais prévu ce qu'il attendait, certainement qu'il aurait mieux valu le laisser se distraire avec des femmes du monde. Alors cette fois-ci, c'est pas une femme du monde? Oh non, madame. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas savoir. Comment on ne peut pas savoir? Non, madame. Mais pourquoi? C'est une russe, madame, alors n'est-ce pas? Une russe? Oui, madame. Ah ben, il manquait plus que ça, par exemple. Oh, mais il y en a qui sont des dames très comme il faut, seulement... Pour s'y reconnaître, aujourd'hui, dans les Russes, c'est la bouteille à l'encre. Enfin, quel genre de femme est-ce? D'où sort-elle? J'ai entendu dire qu'elle avait été mannequin, rue de la paix. Un mannequin, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ah, je crois qu'elle ne fait plus rien, madame. Ah, mais de quoi vit-elle? Je ne sais pas trop, madame. Monsieur Philippe lui a loué un petit appartement à Passy. Comment, il lui a loué? Oui, madame. Enfin, vous ne voulez pas dire qu'il l'entretient? Ah, si, madame. Antoine, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ah, oui, oui, oui, madame. Comment, il l'entretient? À ce qu'il paraît. Oh, mais c'est pas possible, Antoine, vous n'êtes pas le renseigné. Peut-être, madame. Enfin, elle a quelqu'un d'autre, on ne le sait pas, mais elle a quelqu'un d'autre. Je ne crois pas, madame. Maintenant, je peux me tromper. Oui, mais avec quel argent l'entretiendrait-il? De l'argent, on en trouve. Mais où? C'est tout de même pas à sa femme qu'il a été en demandé. Oh, non, madame, non. Vous savez, comme ils sont mariés sous le régime de la séparation, ça, je l'ai assez répété à Philippe, qu'il avait le temps d'accepter ça. Tu te souviens? Enfin, ça c'est une autre histoire. Mais dites-moi donc, Antoine, mais où voulez-vous qu'il ait pris cet argent? Madame doit bien comprendre que si quelqu'un comme Monsieur Philippe demande un service, on ne peut pas lui refuser. Mais c'est à vous qu'il a emprunté? C'est un détail sans importance, madame. C'est vrai? Oh, il ne faut pas que madame aille lui en parler, surtout. Malheureux enfant, voilà où il en est. Ça, il est devenu fou, il n'y a pas d'autre explication. Mon Dieu, mon Dieu. Et sa femme est au courant de tout ça? Malheureusement, oui, madame. Elle vous l'a dit? Oui, madame, c'est pour ça qu'elle est partie. Oh, je la comprends. Mais comment l'a-t-elle su? Oh, ça. Une lettre anonyme, peut-être? Oh non, je ne pense pas. Vous ne lui avez pas demandé comment elle l'avait appris? Je ne me serais pas permis de l'interroger, madame. Enfin, vous avez bien une idée. Bah, c'est-à-dire... Non, je ne suis sûr de rien. Enfin, mais qu'est-ce que vous supposez? Peut-être que quelqu'un avait intérêt à la prévenir. Qui ça? Oh, je ne sais pas, madame, quelqu'un, par exemple, qui ne tiendrait pas à ce que les choses aillent trop bien entre elle et Monsieur Philippe. Un homme qui serait amoureux d'elle. Et quelque chose comme ça, oui, madame. Ou qui aurait envie de l'épouser, plutôt. Oui, madame. Enfin, qu'y a-t-il autour d'elle? Oh, ça, ils sont plusieurs, madame. Jusqu'à présent, il ne s'aventurait pas trop. Monsieur Philippe avait la réputation de ne pas être très commode. Oh, ben, je pense bien, le petit sentinelle, c'est quelque chose. Oui, madame, seulement à présent, il voit que ce n'est plus dangereux. Monsieur Philippe est trop occupé avec cette dame russe. Mon Dieu, mais alors qui croyez-vous, Antoine? Attendez donc, qui avait-elle donc l'autre jour à sa table, ce petit... Oh, chose, là, vous savez bien comment s'appelle-t-il? Doudou Callison? Ah oui, madame, oui, mais... Ce n'est pas ça, non. Monsieur Callison a une grosse fortune. Ah oui, c'est vrai. Alors peut-être cet Anglais, un peu chauve, mais qui a tellement de chic. Stanley Gordon? Ah oui, oui. Oh, non, ce n'est pas ça non plus, madame. Oh, ils sont très souvent ensemble. Oh, oui, madame, mais jamais seuls. Madame Philippe est toujours très entourée. Elle se plaît dans la société des jeunes gens. Monsieur Gordon aussi, c'est pour ça. Ah, je ne savais pas. Oh, si, madame. Mais alors qui, Antoine, qui? Je crois qu'il faudrait plutôt chercher du côté d'un de ces messieurs, comme monsieur Carlos Pinto, par exemple. Ah, le bon Carlos, peut-être. Non, non. Pas peut-être. Non, non, sûrement. Non, ne cherchez plus, je suis fixée. Mais naturellement. Il ne se quittait pas il y a 3 ans à Biarritz. Il a presque eu la jaunisse quand il a appris qu'elle était fiancée à Philippe. Ah, oh, ben, il espère prendre sa revanche. Mais je croyais que Mrs. Gerst l'avait emmenée à New York. Ah, oui, madame, il est revenu. Elle a eu assez d'éloui là-bas. Ah, non, c'est lui qui n'a pas voulu rester quand il a compris. Compris quoi? Qu'elle ne l'épouserait pas. Ah, il devait l'épouser? Ah oui, madame, toujours. Mrs. Gerst promet toujours le mariage. L'année dernière, avec le comte Andrassy, c'était pareil. Elle lui a dit qu'elle l'épouserait en Amérique. Et puis, une fois arrivée là-bas, elle leur dit que Mr. Gerst ne veut plus divorcer, qu'il faut attendre encore. Et le tour est joué. Mais pourquoi fait-elle ça? Sans doute pour qu'on soit plus gentil avec elle. Elle n'est plus toute jeune, n'est-ce pas? Alors, si ce n'était pas pour le mariage, elle trouverait moins d'occasion. Ah, oui. Il y en a qui en prennent leur parti. Une fois qu'ils sont là-bas, ils y restent. Le comte Andrassy est resté 6 mois, lui. Mais Monsieur Pinto n'a rien voulu entendre. Il a pris le bateau. Ah, mais attends, il a jeté son dévolu sur Christina. Eh bien, elle est tombée dans de jolies mains, à la pauvre petite. Je ne sais pas qu'il soit méchant, madame, si on ne peut pas dire ça. Seulement, il commence à s'énerver. Il voit tous ses amis mariés, Monsieur Lopez, Monsieur Santini, le comte Apraxime. Et puis alors, lui, il reste là. Il voudrait bien que son tour arrive. Oui, eh bien, s'il se figure que ce sera avec Christina, il se trompe. Vous pouvez le lui dire de ma part, Antoine. Il aurait tort de s'obstiner. Oh, mais je n'abandonnerai pas cette petite aux entreprises de cet aventurier. Halte-là, mon bonhomme. Ah, mais ce serait trop fort à la fin. Enfin, nous n'avons pas gagné la guerre pour laisser tous ces métèques venir nous voler nos filles. Nos belles filles. C'est la même chose. Et dites-moi, Antoine, est-ce qu'il la voit souvent? Encore assez, oui, madame. Habituellement, ils prennent le thé ensemble, mais oui, souvent aussi, il vient dîner. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il la voit chez elle, enfin? Je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans les étages, madame. Je vous demande pardon, Antoine, excusez-moi. Ce n'est rien, madame. Antoine, il faut absolument que je lui parle. À M. Pinto? Mais non, pas à M. Pinto, à Christina. Ah bien, madame, mais c'est... Vous ne voudriez pas monter lui dire que je suis là et que je la supplie de descendre un moment? Je vais bien essayer, mais je ne sais pas si elle voudra. Dites-lui que je suis arrivée de Pau tout à l'heure, que j'ai appris avec une grande tristesse ce qui s'est passé. Que je suis terriblement bouleversée, enfin qu'elle sait combien je l'aime, combien je lui ai toujours été attachée. Madame, ne préfère pas lui écrire un petit mot? Ah non, non, non, non, ça, Antoine, je ne pourrais pas, je suis trop énervée. Non, non, mais je compte sur vous, sur votre éloquence. Non, je suis sûre que vous saurez la persuader de venir. Vous voulez bien? Je ferai ce que je pourrai, madame. Oh, merci, Antoine, merci. Ce n'est rien, madame. À nous deux, Monsieur Pinto. Tu préfères peut-être que je te laisse? Oui, oui, je crois qu'il vaut mieux que Christina me trouve seule. Tu m'excuses, n'est-ce pas? Mais naturellement. Mm. Au revoir, Isabelle. Oui, au revoir, Clarisse. Ah, je voulais te demander un conseil pour un dîner que je donne le 18. Ah oui, ben, si ça ne te fait rien, nous en parlerons de ça une autre fois, parce que pour le moment, je n'ai vraiment pas la tête à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je compte sur toi pour ce soir, là. Non, ah non, merci. Comment? Oh, j'ai beaucoup trop d'ennuis pour sortir en ce moment. Tu ne parles pas sérieusement? Ah non, si, si, je t'assure, je préfère rester tranquille. Et puis, je prends une seule robe convenable. Mais si! Non, vraiment. Mais comment ça, on a les lits? Comme je pourrais pas aller lui payer. Mais ça ne fait rien, j'en fais mon affaire, moi! Oh, pardon. Après ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça, je ne peux même pas accepter ça. Non, en plus, je te le répète, je préfère ne pas sortir en ce moment. Bon, j'ai vraiment beaucoup trop d'ennuis. C'est pas Jimmy qui ne se marie pas, Philippe qui risque de me retomber sur les bras d'un moment à l'autre et pas un sou à la banque. Non, non. Non, là, non, sincèrement, je ne compte pas sur moi. Allons. Combien te faut-il? Mais je te dis non, c'est pas la peine. Oh, veux-tu me répondre? Mais ben alors, la même chose que la dernière fois. Ouais, si ça ne te gêne pas. Ah bon? Quoi? Tu n'y vas pas de main morte, la bonne heure. Ben ça, je te ferai remarquer que c'est toi qui as insisté. Parce que tu sais, moi, je ne t'en aurais jamais reparlé, crois-le bien. Oui, oui, bon, bon, je t'enverrai un chèque. Mais je compte sur toi pour ce soir-là, naturellement. Oh, bah oui, puisque ça te fait plaisir. Ah, entrez. Ah, eh bien. Oh, je suis mal tombé. Pourquoi? Monsieur Pinto était là. Allons, bon. J'avais bien remarqué que la porte était ouverte sur la chambre, mais je ne pensais pas qu'il y était, il a tout entendu. Et alors? Oh, mais il est arrivé comme un fou, en roulant des yeux terribles. Il criait, il gesticulait, il m'a dit que j'étais un traître. Puis ils ont commencé à parler espagnol. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? J'ai compris qu'elle essayait de le calmer, mais il était dans un tel état, on l'entendait jusque dans l'escalier. Alors vous croyez qu'elle ne viendra pas? Ah, sans Monsieur Pinto, elle serait venue, elle me l'avait dit à présent, pourra-t-elle? Peut-être dans un moment quand il sera plus tranquille. Ah, bah, elle est dans de jolies griffes, la pauvre petite, décidément, il était temps que j'arrive. Je m'en vais retourner voir un peu là-haut si ça se calme. Le Maharaja d'Anjar, l'appartement juste à côté, il finirait par se plaindre. Je suis navré, Antoine, de vous occasionner tous ces ennuis. Ce n'est pas la faute de madame seulement, il ne faudrait pas qu'il se mette à faire du bruit comme ça, Monsieur Pinto. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Non, mais quelle toupet, crois-tu? Non, mais tu se crois déjà le maître, ma parole? Ouais. Bon, alors cette fois, je te laisse, hein. Au revoir, ma bonne femme. Merci pour le chèque. Ouais, ouais. Je téléphonerai pour avoir les nouvelles. C'est ça. Ah, ce jour-là, toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Je lui ai demandé de venir parce que je désire lui parler. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça me regarde. Ah, bon. Dis-moi, est-ce que tu es devenu complètement fou? Hein, pourquoi? Ah, ne me raconte pas d'histoire, je suis au courant de tout. Ah, et alors? Alors, c'est tout ce que tu trouves à dire. Qu'est-ce que tu veux, maman? J'aime mieux te prévenir tout de suite, j'aime Luba. Ah, c'est et... comme ça qu'elle s'appelle. Eh bien, je te prierai de ne jamais me parler de cette personne. Tu m'as comprise? Bien. Non, je sais que ce nom-là, Luba. Mais c'est un prénom. Et son nom. Elle n'en a pas, naturellement. Bon, il ne te dirait rien. Oh, ça, je m'en doute. Un ancien mannequin. Alors c'est tout ce que tu as trouvé? Elle a été mannequin pour gagner sa vie, mais elle appartient à une très bonne famille de fonctionnaires du tsar, ruinés par la révolution. C'est ça. Une fille de fonctionnaire, ruinée par la révolution, c'est du joli. Et russe, en plus de tout. Mais pourquoi en plus de tout? Alors, à quoi ça sert-il que j'ai passé mon temps à vous mettre en garde contre toutes ces slaves qui viennent de Dieu sait où et qui vivent de Dieu sait quoi? Dis, à quoi ça sert-il? Et quand je pense que c'est pour une créature de cette espèce que tu as abandonné ta femme et détruit ton foyer... Je n'ai pas abandonné Christina, c'est elle qui est partie. Mais naturellement, elle est partie. Après tout ce que tu lui faisais supporter, la malheureuse. Et qu'est-ce qu'il aurait retenu? Puisque tu n'as même pas su t'arranger pour avoir un enfant. Et combien de fois te l'ai-je dit, ça? C'est la précaution la plus élémentaire dans ces cas-là. Mais non, monsieur n'a voulu en faire qu'à sa tête. Eh bien, tout va le résultat. Mais qu'est-ce que tu veux, maman? J'ai jamais eu de disposition pour la vie de famille, moi. Tu prépares en ce moment? Non, quoi? Eh bien, mon enfant, il y a quelqu'un qui est en train de prendre ta place, tout simplement. Oui, je te t'apprévois. Et tu sais qui? Carlo, je suppose. Et parfaitement. Oui, je l'avais toujours pensé. Oui, alors c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, que ce soit lui ou un autre. Alors tu acceptes que cet individu te prenne ta femme? Mais s'il peut la rendre heureuse, je lui souhaite pas de mal, moi. Voilà où tu en es. Ben, je lui apprends qu'un individu est en train de séduire sa femme, qu'il est peut-être déjà son amant, et il me répond qu'il ne lui veut aucun mal. Mais enfin, maman, puisque j'aime Luba. Mais à quoi ça te mènera-t-il, aimer Luba, malheureux enfant? Entrez! Madame Philippe descend, madame. Bonjour, Antoine. Ah, bonjour, monsieur. Ah, bien, mais c'est quoi? Ah. Madame Philippe ne comptait pas trouver monsieur ici. Oh, mais naturellement, il ne faut pas qu'elle se trouve. Elle est file par là, dans ma chambre. Je t'appellerai quand elle sera partie. Mais maman. Quoi? Je te rappelle que j'aime Luba. Et... Oh, mais laisse-moi tranquille avec ta Luba. Voilà, madame Philippe, madame. Ah, Antoine, je vous en prie de monter pour l'empêcher de faire des bêtises. Mais il est fou, vous savez, il est fou. Dites-lui qu'il reste tranquille, moi je vais monter dans 5 minutes. Vous voulez bien me faire cette faveur, Antoine, n'est-ce pas? J'y vais, madame. Que je vous remercie. Ce n'est rien, madame. Oh, excusez-moi, signora. Oh, Christina. Oh. Chère petite. J'ai beaucoup de peine, vous savez. Ah non, signora, il ne faut pas pleurer. Autrement, je pleure aussi, le rimel, il va couler dans les ciels. Eh bien, je pleurerai pas, je vous le promets. Tenez, asseyez-vous là à côté de moi et... Ah, et causons tranquillement. Vous ne pouvez savoir combien je suis désespérée de ce que j'ai appris, ma chère enfant. Ouais, que voulez-vous? Pour moi non plus, ce n'est pas gai. Toutes ces complications. C'est un affreux malentendu qu'il faut faire cesser, Christina. Cesser? Oui, ça, je suis revenue de Pau exprès pour le faire cesser. Et? Mais que dites-vous? Vous ne savez pas que Philippe, il m'a trompée avec cette russe? Mais en êtes-vous sûre? Dios mio, tout le monde, il le sait. Non, méfiez-vous des calomniateurs, Christina. Méfiez-vous de tous ceux qui ont intérêt à répandre la calomnie. Mais ce n'est pas de la calomnie. Je sais tout ce qu'ils font, tout. Oh, comment le savez-vous? Je le sais, voilà tout. Oh, Christina, vous subissez en ce moment une bien mauvaise influence. Moi? Je ne subis rien. Si. Et cela m'inquiète infiniment pour vous. Mais je ne pense qu'à vous, moi, dans tout ça. Vous savez, n'est-ce pas, que je vous ai toujours considérée comme ma fille. Je sais que vous avez toujours été très gentille pour moi, signora. Ça, je ne l'oublie pas. C'est pour cette raison que quand Antoine a dit que vous souhaitiez absolument de me voir, moi, j'ai pensé, je dois s'aller. Quoique ce n'était pas facile en ce moment pour moi, ça, je vous assure. Christina, vous ne pouvez pas rester ici. Il faut que vous retourniez habiter chez vous. Oh non, signora, ça je ne le ferai pas. Et pourquoi? Parce que je ne veux plus revoir Philippe et je veux que tout soit fini entre nous. Oh, mais Christina, vous ne pouvez pas vouloir une chose pareille, mais ce n'est pas possible. Ah, si je le veux. Mais vous n'avez pas le droit de briser le cœur de Philippe pour une pécadille sans importance. Mais je vous dis que cette rue, c'est sa maîtresse depuis 3 mois, que c'est une véritable scandale. Mais quelle preuve avez-vous qu'elle est sa maîtresse? Mais lui-même, il me l'a dit. Savez-vous s'il n'avait pas une raison de vous le dire? Une raison? Ah oui, savez-vous s'il ne l'a pas fait exprès, justement, pour vous rendre jalouse, pour vous inquiéter un peu? Mais non! Que barbaridade! Eh bien, moi, je vous affirme que si. Il l'a fait parce qu'il avait senti que depuis quelque temps, vous vous étiez éloigné de lui. Parce qu'il était tourmenté par certaines choses qu'il avait remarquées. Ah! Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit à moi s'il avait remarqué? Mais vous savez bien que Philippe se ferait couper la langue plutôt que d'avouer qu'il est jaloux. Eh? Mais que dites-vous? Il n'est pas jaloux du tout. Mais comme vous le connaissez mal, ma chère enfant, mais il est jaloux comme un tigre. Pas de moi. Seulement, il a trop d'orgueil pour le montrer. Oh, signora, pensez-vous que je suis tellement stupide? Havana, oui, il était jaloux. L'année passée, il était encore. Alors, ne pouvait pas seulement approcher un homme de moi que déjà froncé le souci, Philippe. Mais à présent... Un bon conseil, ma chère petite. Ne vous y fiez pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi vous dites ça? Oui, bénissez le ciel qui ne se doute pas de l'intimité avec laquelle vous recevez ici certaines personnes, car s'il s'en doutait... Señora! Non, ça, je sais. Je sais qu'il y a entre ce monsieur et vous que des relations de pure camaraderie, mais je vous connais trop, ma chère petite, pour en douter. Mais enfin... Ah, vous vous trompez, señora! Comment? Ce n'est pas de la camaraderie entre Carlos et moi. Alors écoutez, ne me dites pas qu'il est votre amant, je ne vous croirai pas. Et pourtant, je l'ai dit. Eh bien, je ne vous crois pas. Je vous le jure sur la tête de ma mère. Vous auriez pu au moins me le laisser ignorer. Mais c'est mieux de dire la vérité. Oh, vous vous êtes laissé séduire par cet individu, vous. Oh, oh, oh. Oui. Oh, señora, permettez que je le dise. Quand j'ai quitté l'appartement, depuis 3 mois que je ne m'étais pas aperçue que j'avais un mari. Ah, que voulez-vous, moi, je ne suis pas une statue. Carlos, il venait me voir tous les jours. Il était très gentil avec moi, il m'aimait. Oh, il vous aimait, permettez-moi de sourire. Ça, il faut être naïf pour croire à l'amour de M. Pinto. Et pourquoi je n'y croirais pas? Est-ce que je n'ai pas cru à l'amour de Philippe il y a 3 ans? Oh, oh, oh, ah. Oh, comment osez-vous comparer l'amour de Philippe avec un personnage de cette espèce? Un aventurier sans moralité et presque contrefait. Oh, vous ne devez pas parler ainsi de Carlos, señora. Ça, je ne le permets pas. Mais vous n'avez donc jamais regardé, ma chère petite? Comment? Mais il est tout petit, d'abord il est minuscule. Ah oui, ça, il n'est pas très grave. Ça, il est affreusement mal construit. Ah non? Oh, oh, ah, vous... Voyons, ce cou dans les épaules, cette poitrine étriquée et ses mains. Vous avez remarqué ses mains? Oh, les mains. Moi, ça, quant à la distinction, ça vaut mieux ne pas en parler. Vraiment, je ne voudrais pas l'accabler, ce pauvre garçon, mais là, franchement, il est très mal. Oh, je ne dis pas que Carlos, pour le physique, il est parfait, ça. Oh, voyons, Christina, un homme dont Mrs. Gerst n'a même pas voulu. Mrs. Gerst? Quoi, il vous a pas dit qu'il l'avait suivi jusqu'en Amérique? Ah, il a dit qu'il était allé en Amérique, mais... Oui, mais il vous a pas dit pourquoi. Pour des affaires, il a dit. Oui, mais ce qu'il appelle des affaires, c'était Mrs. Gerst. Il l'a poursuivie jusqu'à New York dans l'espoir qu'elle allait l'épouser. Elle a eu assez de peine à s'en débarrasser. Ah, il n'a pas dit ça? Mais renseignez-vous, vous verrez. Et puis enfin, Christina, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Pinto? Mais rendez-vous compte. Alors, mon enfant, revenez à vous. Enfin, vous avez été imprudente. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences d'un geste... regrettable. Ah? Oui, oui, ça, je veux bien admettre qu'il y a un peu la faute de Philippe. Il a été maladroit. Il a cru bien faire, mais il a été maladroit. Pauvre Philippe. Il vous aime tant. Il ne m'aime pas, señora. Ah oui, si vous l'aviez vu là tout à l'heure, si malheureux, si désemparé, vous ne douteriez pas qu'il vous aime. Ah, il est venu tout à l'heure? Ah oui, j'aurais voulu que vous puissiez entendre la façon dont il parle de vous. Ah, le malheureux, s'il se doutait. Oh, mais il sait! S'il avait le plus petit soupçon, Christina, mais je ne donnerais pas cher de la peau de M. Pinto à l'heure actuelle. Heureusement, il n'a pas le plus petit soupçon. Alors dites-lui, señora. Quoi que je lui dise? Si? Vous êtes folle. Mais moi, je veux voir qu'est-ce qu'il fera. Mais s'il arrive malheur? Il n'arrivera pas de malheur, je serai là, moi j'empêcherai. Et du moins, je saurai s'il m'aime. Oh, moi, je ne ferai jamais une chose pareille, Christina, mais c'est beaucoup trop grave. Soyez raisonnable, soyez irraisonnable, mais c'est fait simplement. Carlos, c'est ça, ça? Me promististe 5 minutos. Y hace más de 20. Perdóname, pero así lo más fuerte que yo. Es una caballada de tu parte, te pido te retire. Me iré a la condición que vengas conmigo. Monsieur, vous êtes ici chez moi, je vous prie de sortir. Excusez-moi, mais madame, il est ma fiancée. Votre fiancée? Ma fiancée, oui, madame. Je ne veux pas qu'elle reste ici. Ah, vous avez une certaine audace, par exemple. Ah, c'est mieux que je m'en aille, c'est une mais non, Christina, je vous prie de rester. Madame est ma belle-fille, monsieur, et je n'ai pas fini de lui parler. Alors, j'ai le droit d'écouter, moi. Et vous avez un droit, celui de disparaître. Antoine, ayez la bonté de faire sortir monsieur. Alors, monsieur Carlos, vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester ici. Je resterai tant que madame, elle restera. Antoine, comment tolérez-vous une chose pareille? Je fais ce que je peux, madame. Monsieur Carlos, je vous prie de vous retirer. Je regrette, mais je ne me retire pas. Apprenez garde, monsieur. Je vous préviens que mon fils est là, dans la chambre à côté. Votre fils? Ah, parfaitement. Mon fils, que vous avez gravement offensé. Ah, Philippe, il est là? Oui, il est là. Ah, monsieur ne veut pas le voir. Alors, rassurez-vous, il m'a promis de ne pas entrer. Mais je conseille à monsieur de ne pas mettre plus longtemps sa patience à l'épreuve. Enfin, autrement, je ne réponds de rien. Bon, il faut partir cette fois, monsieur Carlos, sinon vous avez entendu, madame ne répond plus de rien. Fuir, moi ? T'es jamais de la vie. Qu'il vienne, et j'ai la peine. Ah, non, il y a eu assez de bruit comme ça pour aujourd'hui. Non. Puisqu'il est là, je peux avoir une explication avec lui. Pas ici, en dehors de l'hôtel, tant que vous voudrez, mais pas ici, monsieur Carlos. Vous avez tort de jouer avec le feu, monsieur. Vous devriez savoir que mon fils n'est pas homme à se laisser provoquer sans répondre. Je vous dis que j'ai la peine. Mais vous pourriez payer cher votre imprudence. La promesse qu'il m'a faite de ne pas rentrer l'a retenue jusqu'à présent, mais à votre place, je ne tenterai pas le sort plus longtemps. Caraille, est-ce qu'il va bénir à la fin? Venez avec moi, il n'y a plus à discuter, monsieur Carlos. Laissez-moi, allons. Je vous dis de ne rien faire. Allez, salta, me macho contigo. Tu viens, elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Que Philippe, il m'aime encore, hein? Mais que se passe-t-il? Bonjour, Christina, pourquoi emmène ton Carlos? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, là, je t'expliquerai. Dites, señora, que répondez-vous? Ce que je réponds, mais que Philippe n'a jamais été là. C'est une histoire que j'ai inventée pour faire partir cet énergumène. Mais il n'est pas là? Mais il est parti depuis longtemps. Señora, la vérité, je vous en prie. Je vous l'ai dit, ma chère enfant. Entrez. Si madame ne voulait pas trop tarder à venir parce qu'il recommence à s'énerver. Antoine, dites-moi si c'est vrai. Quoi donc, madame? Que Philippe, il n'a jamais été là, que la signoresse m'a dit ça pour que Carlos, il s'en aille. Mais j'ai toujours pensé que si monsieur Philippe avait été là, il serait entré, madame. Vous voyez. Signora, permettez qu'Antoine, il aille voir. Il faut que je sache. C'est très important. Oh, mais certainement. Mais certainement. Antoine, mais allez, Antoine, je vous en prie. Se dirigent vers la porte. Elles attendent toutes les trois. Le voici. Il n'y a personne, madame. Ah, je préfère. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. C'est la fin du premier acte et voici maintenant le deuxième acte qui se passe dans le hall du même palace vers 10h du soir. Nous sommes au mois de mai. Au premier plan, l'amorce d'un salon avec deux petites tables entourées de sièges, l'une à gauche, l'autre à droite. Au deuxième plan, la galerie avec quatre ou cinq petites tables. Deux pilastres reliés par une voûte largement surbaissée indiquant la séparation entre le salon et la galerie. Et au fond, le beau jardin sur lequel sont ouvertes deux grandes portes vitrées. Monsieur et madame prendront du café? Si, dans ce café. Pas de liqueur? Non. De café. Café, sir? Yeah. Liqueur? Yeah. And cigars. Very well, sir. Les couples bavardent. Combien de fois j'ai été demandé de parler français? N'est pas utile que tout le monde ici comprenne ce que tu dis? Ah, tu veux m'empêcher de saluer ma belle-mère? Comment je passe à côté? La saluer, tu peux. Mais que tu souris, ça c'est inutile. Est-ce que moi je te reproche de sourire avec Lily? Moi je souris avec Lily? Pendant tout le dîner qu'elle tapait de l'œil. Bah, je n'ai pas de la faute s'il m'a fait de l'œil. Est-ce que je peux l'en empêcher, moi? Tu as pas une fois que je l'ai regardée. Tu peux la regarder tant que tu veux, mais moi je peux saluer ma belle-mère si ça me plaît. Alors quand nous serons mariés, tu vas continuer? Ah, quand nous serons mariés, je le verrai. Ah, je me demande un peu quand est-ce que nous serons mariés. Ce C'est nécessaire d'abord que je sois divorcée, non? Ah, divorcée, tu le serais déjà si tu le voulais. Je t'ai dit que Philippe a refusé. N'est pas vrai. N'est pas vrai? N'a pas refusé pour la raison que ne lui a pas été demandé. Qui te l'a dit? L'avoué me l'a dit. Tu l'as demandé? Si. Quand? Ce matin. Que tu me tiennes? Bueno, importava que je soupiera. Ça vient. Monsieur et madame prendront du café? Si. Pour moi, un petit lieu. Pas de liqueur? Non. Tu dois comprendre que c'est une situation que moi, je ne peux plus y rester. Mais tu vas me dire qu'est-ce qui va changer si je t'épouse? Mais tout va changer! Alors moi, je ne serai plus les gigolos. Je serai les maris comme les autres. Les gigolos, ça, je ne veux plus être. Déjà, j'ai trop souffert dans le passé, moi. Moi, je n'ai pas été élevé à ça, moi. Mais quand je pense à ma pauvre mère, qu'elle est là-bas, à Salima, et que je n'ai pas vue depuis 5 ans, et que tu m'avais promis que nous serions la voir tous les deux. Ah, depuis longtemps que tu ne m'avais pas parlé de ta mère. Ma mère, elle est ma mère, et j'ai depuis de la respecter. Que calamidad. Bueno, no me habías dicho que íbamos juntos a ver mi madre. Dans le français, les morales sont juste derrière. J'ai dit que peut-être nous irions un jour, mais je n'ai pas dit quand. Tu m'as dit cet été? Non. Si. Bien, j'ai changé d'avis, voilà tout. Alors l'été prochain? Peut-être, ça je ne sais pas. Mais c'est bien entendu que nous allons nous marier à bas. Pourquoi? Christine. Est-ce que tu te figures que je peux aller voir ma mère avec toi sans être mariée? Et pourquoi non? Pourquoi non? Alors on voit que tu ne connais pas à ma mère. Serait mieux pour elle de me voir mort que vivant dans les concubinages. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de nous quitter. Tu veux me quitter, c'est vrai? Pas si fort. Tu veux me quitter, c'est vrai? Il paraît la fameuse. Si tous les jours tu dois me fatiguer avec ces questions du mariage, alors dis-moi que je vais te quitter. Étrange personnage. Le tilleul est pour madame? Eh non, pour monsieur. Le face à main. Qui ne la quitte pas. Christina. Et se fasse à main. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait si tu me quittes? Sur oui. Le beau Carlos. C'est bien tué. Tu me l'as déjà dit. Elle va lentement vers le fauteuil. Je l'ai fait l'air. Pas si fort. S'assoit. Quoi? Tu m'as compris mon saphir. Quoi? Tu l'avais oublié sur la table. Je ne l'ai pas oublié du tout. C'est toi qui te l'ai pris. Rends-le-moi. Tiens, les voilà, les voilà! Mais ça, c'est vraiment un peu fort! Mais tu n'as pas raison de les porter, hein? Oui, ça, je le sais. Pourquoi les sapirs n'est pas une pierre des femmes, ça? C'est une pierre d'hommes! Tu me l'as déjà dit! Je t'ai répondu que je te le donnerai le jour où nous allons nous quitter, mais pas avant! Je n'en veux pas, moi! Mais tu as tort, tu sais, il est très beau! Je peux en avoir un plus beau si je le veux, moi! De la dame en face, tu devrais essayer! Je crois que tu lui plais beaucoup. Christine, son pauvre Carlos. Amie. Bonsoir, madame la comtesse. Bonsoir, Antoine. Dites-moi, qui est donc ce jeune homme en face? Monsieur Carlos Pinto. Ah, voilà. Je cherchais son nom. C'est lui qui était avec Mrs. Gerst l'année dernière. Oui, madame la comtesse. Et l'année d'avant, avec madame Van Kempen. C'est ça, madame la comtesse. Il me semblait bien le reconnaître. Et qui est la dame maintenant? Madame Leroy Gomez, madame la comtesse. Argentine? Oui, madame la comtesse. Grosse fortune, sans doute. Oh oui, madame la comtesse. Naturellement. Mais quelle étrange manière, par exemple. Ces personnes à change favorable ont vraiment une façon de traiter les hommes. J'écoutais leur conversation tout à l'heure, j'en étais gêné. Pas possible.

Une dame qui vient d'arriver en auto, une américaine. Comment? Il faut absolument que vous veniez, vous aussi, Carlos. Ben, nous n'avons pas reçu l'invitation. Ah, bien, je vous invite. Moi, à un moment, et du comité, ce serait dommage que je ne puisse pas inviter qui je veux. Ce sera très bien, vous savez, il y aura tout Paris. Et il y a une tombola avec des noms magnifiques. Alors, vous venez, n'est-ce pas? Que dices, Carlos? Voilà, il faut que j'aille me changer. Mais pourquoi je n'ai pas mis mon smoking? Et moi aussi, je dois me changer. Bon, eh bien, vous ne savez pas, pendant que Christina va monter s'habiller, moi, je vous conduis jusque chez vous, je vous attends en bas et nous repassons ici la chercher. Ça va comme ça? Bah, je peux demander une taxi, moi. Pourquoi? Puisque j'ai ma voiture à la porte. Mais oui, va, Carlos. Bon, alors, je vous remercie, alors. Tiens, mettons-nous là. Ça va continuer, les sourires. Mais quand même pas, ah, oui, non, maman, n'attendez pas pour partir, je vais me compter avec Christina et Carlos. Bon, elle amène ce Carlos. Elle aurait bien pu me demander mon avis. Je suis très contente que Christina vienne, mais lui... Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'ennuie vis-à-vis de la princesse qui nous avait surtout recommandé de ne pas inviter n'importe qui. Ça, si elle me demande qui c'est, je serais gênée. Et bientôt, lui dira que c'est l'amant de ta belle-fille, voilà tout. Oh, oh, comme c'est spirituel. Au lieu de t'occuper de ce garçon, tu ferais bien mieux de t'inquiéter de Jimmy, tiens. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jimmy? Tu trouves ça intelligent, toi, ce flirt avec Nicole? Ben non, je ne trouve pas ça intelligent, mais je ne peux pas l'empêcher de se distraire un peu en attendant le retour de Dorothée. Je trouve qu'elle ne revient pas très vite, Dorothée. Ah non, ça c'est vrai. Soit disant qu'elle ne pouvait pas rester loin de Jimmy plus que 8 jours, et c'est déjà un mois que vous êtes là. Ben, il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne connaît pas les Américaines. Ah, oh, tiens, voilà Manuel. Bonsoir, je ne suis pas en retard. Bonsoir, non, non, il suffit que nous arrivions là-bas vers 11h. Ah, j'ai une visite avant le dîner. Ah, qui ça, maman? Philippe. Ah, tiens, nous aussi, n'est-ce pas, Clarisse? Oui. Et ton frère également? Ah, ben, il a fait la tournée complète, alors. Il est venu aussi pour t'emprunter de l'argent? Oui. Eh ben, j'espère que tu as refusé. Ah, et pour cause, tu sais ce qu'il voulait? Oui, 1200 000 francs. Parfaitement. Et il a demandé la même somme à tout le monde. Et tu sais pourquoi? Bon, je ne sais pas, il m'a parlé d'une histoire automobile à laquelle je n'ai rien compris, mais comme j'étais bien décidé à ne rien lui donner... Pas qu'il lui faut ses 1200 000 francs pour empêcher sa ruse d'être arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, on l'avait chargée de vendre une brique. Elle a commencé par partir dedans avec Philippe pour passer la Pentecôte à Deauville. Charmant. Et il a accepté ça, oui? Elle lui avait dit que c'était pour essayer la voiture. Oui. Arrivée à Deauville, elle le dépose à l'hôtel, mène la voiture dans un garage et se ferait prêter 1200 000 francs en disant qu'elle veut la vendre. Bravo. Elle se précipite au casino avec les 1200 billets. Ah, ben, je vois la suite. Oui, oui. Il paraît qu'elle voulait gagner 3 millions et rentrer à Paris après avoir remboursé le garagiste, naturellement. Elle perd, alors obligée de laisser la voiture en gage, de rentrer à Paris par le train. Pendant ce temps-là, le vendeur avait voulu voir sa voiture, ne l'avait pas trouvée. Bref, là-dessus, drame, enquête. Enfin, si la voiture n'est pas rentrée demain, il dépose une plainte et fait coffrer Mademoiselle Louba. Voilà. Ah, pourvu qu'il la dépose, sa plainte. Quand elle aura débarrassé de cette créature, Philippe se décidera peut-être à revenir à sa femme. Oh, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de s'en laisser débarrasser. Il était dans un état, la figure défaite, les traits tirés, n'ayant pas dormi depuis 3 nuits. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, il est sur une mauvaise pente, ton fils. Il n'y a pas à dire. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée de venir me demander 1200 000 francs à moi? À moi, non. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui peut prêter 1200 000 francs? Non, ça c'est vrai, tu n'en as pas l'air. Ouais, il faut qu'il soit devenu fou, c'est pas possible. Tiens, bonsoir, monsieur Manuel. Ah, bonsoir. Très heureux de vous voir ici, monsieur Manuel. Madame est en bonne santé? Oui, enfin, comme d'habitude. Enfin, il n'y a plus pour bien longtemps, c'est pour le début de juillet. Ah, oh, mes compliments, monsieur Manuel. Merci. Madame sait que Mrs. Freeman est arrivée. Dorothée? Depuis quand? À l'instant, elle vient de Florence. Ah ah! Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle est seule? Oui, madame. Pas de Bella Rosa, vous en êtes sûre? Non, non, madame, elle est toute seule. Eh bien, tu vois, elle est tout de même revenue. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, elle est tout de même revenue. Mais où était-elle? Est-ce qu'on peut la voir? Elle est montée à son appartement, elle était un peu fatiguée. Mais quand je lui ai dit que madame et monsieur Jimmy étaient là, elle a dit qu'elle allait venir. Ah, ben, tu as entendu? Oh, merci, Antoine, merci. Ce n'est rien, madame. Faut tout de suite avertir Jimmy. Où est-il? Où veux-tu qu'il soit? Avec Nicole, naturellement. Manuel, mon grand, sois gentil, va le chercher. Ils doivent être en train de danser. Ne lui dis rien, je veux lui faire la surprise. C'est tout de même Jimmy qui avait raison. Pas si vite. Attends donc. Ben, en tout cas, elle n'épouse pas Bella Rosa. Ça n'est pas sûr. Bon, ben, si elle l'épousait, elle ne serait pas ici sans lui, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Devine qui vient d'arriver. Qui? Dorothée. Ah oui? Vas-y, tout l'effet que ça te produit. Ah bah tu sais, je m'y attendais. Hein. Mais enfin, tu es content. Oui, naturellement. Il faut absolument qu'elle vienne à ce bal. Il n'y a qu'à lui proposer. Et Nicole, alors? C'est vrai, ça. Tu vois l'inconvénient d'avoir amené cette petite ici ce soir? qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Mais t'inquiète pas, bon, tout ça s'arrangera très bien. Tu n'as pas l'intention de continuer ce flirt ridicule devant Dorothée? Dis, maman, tu veux me laisser faire à mon idée? N'oublie pas que Dorothée est américaine. Et bien après, elle est tout de même revenue toute américaine qu'elle est. Ah ouais, ça, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle voulait, ta mère? Dorothée vient d'arriver. Oh! Oh, tu vas pas pleurer, qu'est-ce que tu veux? Il fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Les vacances sont finies, voilà tout. Elles n'ont pas été longues, les vacances. Un mois, c'est tout de même mieux que rien, non? Mais c'est fini, fini, tu es sûr? Mais comment veux-tu que je te dise? Moi, j'en sais rien. Ça dépend comment les choses vont tourner. Oh, est-ce que je voudrais qu'elles tournent mal? Ben, à quoi ça t'avancerait-il? Je ne sais pas, elle sera une autre. Il faudra toujours bien que je me marie, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est pas tellement pressé. Bon, un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais alors, moi, je ne compte pas. Mais si, c'est pas qu'est-ce que tu veux. Faut aussi penser aux choses sérieuses. Oh, tiens. Oh, c'est trop injuste à la fin. Oh, écoute, je t'avais prévenu. Je t'ai toujours dit la vérité, reconnais-le. Ça n'en est pas plus gai pour ça. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais alors pourquoi dis-tu que tu m'aimes? Ben parce que c'est vrai. Oh. Quoi, tu crois que je serais revenu de pour il y a un mois si je t'aimais pas, si j'avais pas eu envie de te revoir? Mais alors si tu m'aimes, tu souffriras? Ben naturellement. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Mais c'est la vie, ça. C'est la chienne de vie. Ce serait trop beau si on pouvait épouser la femme qu'on aime. Ou l'homme. Bien sûr. Et pourtant, elle peut bien t'épouser, elle. Pourquoi? Oh, elle... Parce qu'elle a de la veine, qu'est-ce que tu veux? Jimmy! Ben? Jimmy, hein? Oui? Clarisse trouve que tu devrais monter prendre les nouvelles de Dorothée. Est-ce qu'elle va descendre? Ça ne sert à rien, ce serait plus gentil. Ah, mais c'est que voilà, justement, je tiens pas à être gentil, moi. Dis-moi pas que... Toi, tort! Ah, je crois pas, non? C'est un très mauvais système avec les Américaines. Ma pauvre Clarisse, mais elles sont comme les autres, allez, les Américaines. Mais que je m'en aille, probablement. Ah, non, mais pas du tout. Mais moi, j'aimerais mieux m'en aller. Tu es folle, tu vas venir à ce bal, n'est-ce pas? On n'ira pas, elle? Ben, je pense que si, mais c'est pas une raison. Alors, laisse-moi rentrer, Jimmy. Pourquoi? Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir de te faire danser avec elle? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu penses pas que ça me sera agréable? Ça ne fait rien, laisse-moi partir. Mais si je te demande de rester. Mais pourquoi faire? Thank you. Le cher Francesco, comment va-t-il? Oh, très, très bien. Il vous envoie ses amitiés. Oh, merci. Je vous annonce que nous vous envoyons ce soir. Oh, vraiment? Vous n'avez plus au bal de la Terralier. C'est pour toute mon œuvre, vous savez. Je voudrais m'en aller, Jimmy. Bon, va part, parce que tu veux rien comprendre. Mais comprendre quoi? Tu vois pas que tu peux m'aider en ce moment? T'aider? Bah, hé. Tu veux la rendre jalouse, c'est ça? Ah, tout de même. Tu pourrais bien demander ça à quelqu'un d'autre. Je pensais que t'aimerais me rendre service, voilà tout. Mais pas pour ça, tout de même. Bon, bon, ben n'en parlons plus. Mais tu devrais comprendre, enfin. Mais n'en parlons plus, je te dis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Tu peux bien me répondre. C'est inutile, puisque tu veux pas m'aider. Oh, tu sais bien que je fais toujours ce que tu veux. T'as qu'à me regarder en ayant l'air très gaie, très heureuse. C'est pas difficile, ça. Bien ça, alors. Attention, la voilà qui vient. Mais il a l'air un peu plus gai que ça, voyons. Je fais ce que je peux. Je peux m'asseoir? Mais naturellement, vous connaissez Nicole? J'en ai pas ce plaisir. Nicole Martin, une amie de ma sœur, Dorothée Freeman. Enchantée. Alors, bien amusée à Florence? Oh, énormément! Mais Francesco, vous l'avez laissé là-bas? Mais oui. N'avez pas peur qu'il vous oublie? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, je croyais. Je n'aime pas Francesco. Alors? Vous savez très bien que je ne l'aime pas. Ouais, mais je vous croyais sur le point de l'épouser. Don't be stupid! Ah, je vous assure. You knew Raoul isn't going to marry him. Pourquoi? Mais il est très bien, ce garçon. Oh, Jimmy, vous m'agacez avec Francesco. Ah, pardon. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait? C'était très gay ici? Bon, comme d'habitude. Oh, mon match tous les soirs. Oh, ma foi, non. Boniki, quelques dîners, le cinéma. Un pire week-end au Touquet pour la Pentecôte. Mmh. Avec qui? Ben, Nicole, Lily, puis moi. Ah, ah. C'est très gentil. Mmh. Boniki. Oui. Oui. Vous avez joué au golf? Oh, pas beaucoup, non. Lily passait son temps au baccarat, alors nous prenions son auto et nous allions nous balader. C'est longtemps que vous vous connaissez? Nicole et moi? Mm-hmm. Ah oui, c'est presque une amie d'enfance. Pas Nicky? Oui. Oui. Oh, Nicky, tu entends notre tango? Tu veux qu'on le danse? Si tu veux. Vous nous excusez, Dot? Mais sereinement. À tout à l'heure. Peut-être. Quand il allait seul? Oh, il va un peu loin. C'est une vraie américaine, elle ne doit jamais lui pardonner. Je veux lui parler. Je viens vous tenir compagnie, ma chère petite, vous voulez bien? Mais comment donc? suis contente que vous soyez revenue, Dorothée. Vous me manquiez beaucoup. Vraiment? Oui, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Merci. Comme c'était gentil, notre petit séjour à Pau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Nous avons été désolés d'être obligés de partir aussi brusquement. Jimmy, surtout. Naturellement. Qu'est-ce que c'est, cette Nicole? Ah, c'est une amie de ma fille. Oui, de Lily. Elles étaient en pension ensemble. Ah, her. Oui, elle est jolie, n'est-ce pas? Oh, très, très jolie. Oui, oui. Et si gentille. Est-ce qu'elle a de la fortune? Ah, bah, elle a des espérances. De jolies espérances. Qu'est-ce qu'il y a entre elle et Jimmy? Oh, pas grand-chose. Un petit flirt, probablement. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Oui, mais pas sérieusement. En elle? Ah, elle, oh. Elle en est folle, naturellement, la pauvre petite. Alors, pourquoi il ne l'épouse pas? Quoi, non? Mais c'est pas une femme pour Jimmy, mais pas du tout. Et mais pourquoi? Parce qu'elle n'a rien. Oui, enfin, rien. Rien de ce qu'il faut pour le rendre heureux. Je ne parle pas de la question d'argent, vous savez, c'est une chose qui compte si peu pour Jimmy. Je sais pas ce que c'est que l'argent. Quand on lui propose une jeune fille avec une grosse dot, il refuse même de la regarder. Oui, c'est si grave pour une mère d'intervenir dans ces cas-là. Mais supposez par exemple qu'il ait l'idée malgré tout d'épouser cette petite Nicole. Hein? Eh bien, dois-je l'en dissuader? Dois-je lui dire d'attendre, de ne pas se décider tout de suite et peut-être l'orienter d'un autre côté? Ben, je ne sais pas, moi. Ah, vous devriez bien donner un conseil, tenez, Dorothée. Mais oh, ce n'est pas que j'ai peur de prendre des responsabilités, non, ça, non, non, non. C'est pas le jour où une femme qui aurait tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de Jimmy me demanderait mon appui. Ça, je le lui donnerais tout de suite et de grand cœur. Enfin, il y a des circonstances où une mère n'a pas le droit d'hésiter. Oui, seulement, cette femme-là existe-t-elle? Voilà. Voilà. Oui. Et pourtant, quel mari ce serait? Mais pour s'en rendre compte, il faut le connaître comme moi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas un peu jeune pour se marier? Jimmy? Ah, il a seulement 24 ans, non? Oh, mais il est tellement plus vieux que son âge. Tu sais, il a les idées d'un homme de 40 ans. Vraiment? Ah, je vous assure. Oh! Alors c'est trop vieux pour se marier. Ah, vous savez, quand je dis 40 ans, ça, j'exagère peut-être un peu. Enfin, mettons 35, si vous voulez. Mais ce qu'il aime, je vais vous le dire, moi. Oui, c'est rester chez lui, à lire, à faire de la musique. Vous savez comment il joue du piano, c'est pas, et à bavarder. Ça, le jour où il aura une femme à lui et un intérieur confortable, ça, je vous jure bien qu'il n'en bougera pas. Enfin, les bars, les dancing, les restaurants de nuit, au fond, il a horreur de ça. Ça ne sera pas très gai pour sa femme, alors. Oh, mais il irait! Oh, mais il irait si ça lui faisait plaisir. Oui, seulement, c'est seulement pour vous expliquer que, personnellement, il n'y tient pas, voilà tout. Oui. Oui, son idéal, ça, il l'a dit souvent, ce serait de vivre en voyant le moins de monde possible entre sa femme et ses enfants. Des enfants? Oh, well. Ah, mais plus tard, pas tout de suite. Plus tard, quand ils auraient tout le temps de s'amuser un peu, de voyager. Jimmy adore les voyages. S'il avait voyagé autant que moi, il n'adorerait plus. Ah, forcément, oui. Oui, forcément. C'est, quand je dis qu'il adore les voyages, c'est pas une idée fixe. N'est-ce pas? Et à vrai dire, il y a surtout un pays qu'il tente, c'est l'Amérique. Alors, quand Jimmy a dit New York, il a tout dit. Oh, New York, ce n'est pas l'Amérique, vous ne savez pas du tout même. Hein, c'est moi, je suis de Boston. Oh, bien sûr, seulement nous, n'est-ce pas, nous ne faisons pas la différence. J'ai dit New York, j'aurais aussi bien dit Boston. Oh, ça n'est pas la même chose. Oui, ça, je sais bien, oui. Seulement, c'est seulement pour vous expliquer que Jimmy est vraiment très attiré par l'Amérique. Ouais. Oui. Et même l'idée d'y vivre complètement ne lui déplairait pas du tout. Oh, mais pas du tout, au contraire. Oui. Quant à moi, n'est-ce pas, il y a des mères qui se désoleraient de voir leur enfant partir si loin. Ah, oh, grâce à Dieu, je ne suis pas comme ça. Son bonheur avant tout. Je crois que ce serait très dangereux d'emmener Jimmy en Amérique, non? Dangereux? Il y a beaucoup de jolies femmes à New York, vous savez. Oh, comme vous le connaissez mal. Du jour où il sera marié, aucune autre femme n'existera pour lui, ça je peux vous le dire. J'en doute. Eh bien, vous avez tort, ma chère petite. Jimmy a des principes, vous savez, c'est encore la meilleure des garanties pour une épouse. Peut-être. Ne me croyez pas? On peut seulement juger avec ce qu'on voit. Oh, Oui, c'est ce petit flirt avec Nicole qui vous inquiète. Oui. Oh, pas du tout, madame. Non, il m'inquièterait seulement si j'avais dans l'idée d'épouser Jimmy. Oh, voyons, mais ça compte pas, voyons. Oh, je vous demande pardon. Je trouve que ça compte, moi. Eh bien, alors, savez-vous ce que je ferais si j'étais à votre place? Mm-hmm. Eh bien, j'aurais tout à l'heure une grande explication avec lui. Je lui dirais que je trouve cette histoire stupide, qu'elle me fait un peu de peine, que vous avez mieux à faire l'un et l'autre que de vous disputer à propos de cette petite, et malheureusement, je ne pourrai pas aller à ce bal. Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis un peu fatiguée, je préfère me reposer. Oh, Dorothée, vous n'allez pas faire ça. Si, vraiment, je vous assure, c'est beaucoup mieux ainsi. Oh, mais Dot, c'est stupide. Non, je vous jure, je vais vous dire bonsoir maintenant. Good night. Aren't you coming to the dance? No, I'm rather tired. Oh, peut-être, si vous voyez Jimmy, vous voudrez lui dire bonsoir de ma part. Je ne voudrais pas le déranger. Oh, ben, good night. Dorothée. Bon, qu'est-ce que je t'avais dit? Ces choses-là ne prennent pas avec une Américaine. Jimmy, veux-tu venir? Vous savez qu'il est 11h passé, hein? Oui, mais tu en fais de belle, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que Dorothée est furieuse de la façon dont tu viens d'agir avec elle et qu'elle ne veut plus aller au bal. Oh, t'inquiète pas, je vais arranger ça. Hein. Ah, mais tu feras bien d'être un peu gentil avec elle si tu veux la décider. Mais oui. Oh, ça n'y compte pas! On ne fait pas changer d'avis à... Ah, une Américaine, oui, je sais. Eh bien, vous auriez dû vous rendre compte, ma chère petite, et ne pas accepter. Alors, vous devriez l'empêcher de faire des choses qui risquent de compromettre son avenir. Bien ça, alors il y a une demi-heure que je le supplie de me laisser m'en aller, qu'il ne me le permette pas. Eh bien, il fallait être plus raisonnable que lui, vous passez de sa permission, voilà tout. Eh bien. Partez devant, je vous rejoindrai. Oui, enfin, est-ce qu'elle vient? Mais oui. Attends un instant, faut que je te parle. Eh bien, quoi? Est-ce que ça t'ennuie qu'elle vient là? Moi, je suis enchantée, mais ça prouve que ce n'est pas une vraie Américaine. Mais maintenant... Maintenant, il ne faut plus que je vienne. Si on acceptait d'y aller, que si tu n'y allais pas. Oh, bien tant mieux, j'aime autant ça. T'as été très gentille, je te remercie. Ça a bien fait avancer les choses, tu sais. Ah, alors ça se dessine? Bah, on dirait. Elle est folle de rage. Bravo. Tu veux que je te mette dans un taxi? Oh, non, merci, ne t'occupe pas de moi. Bah, embrasse-moi alors. Ce n'est pas la peine. Quoi, tu m'en veux? Mais non, va-t'en, va. Faut pas la faire attendre. Et tu viendras me voir demain matin? Non. Pourquoi? Je te raconterai ce qui sera passé. Ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que tu as? Mais je n'ai rien. Va-t'en, va. Ben, tu viendras me voir. Jimmy, est-ce que tu viens, voyons? Oui, voilà. Il n'en vient pas plutôt que 10h30 parce que j'ai rendez-vous avec le coiffeur. Hein. Bonsoir, mon petit. Amuse-toi bien. Oh non, sois pas ironique, veux-tu? Nicole le suit les yeux. Antoine paraît. Faut pas pleurer comme ça, mademoiselle. Oh, je sais bien, c'est idiot. Bon, c'est plutôt que ça n'en vaut pas la peine. Je peux pas m'en empêcher. Mais vous ne savez pas, il faut se mordre la langue un bon coup. Se mordre la langue? Oui, essayez. Encore. Plus fort. Aïe! Ah, ça va déjà mieux, je suis sûr. Un peu. Ah, vous voyez, c'est infaillible, ce truc-là. Est-ce qu'ils sont partis? Oui, mademoiselle. Alors, vous voulez me faire demander un taxi? Tout de suite, mademoiselle. Un taxi. Voilà, mademoiselle. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, mademoiselle. Bonne nuit. Bonsoir. Ah, il faut dormir. Sans ça, vous n'aurez pas bonne mine demain matin. Je tâcherai. Merci, Antoine. Ce n'est rien, mademoiselle. Ah, Antoine. Ah, bonsoir, monsieur Philippe. Eh bien, avez-vous réussi? Oh, pensez-vous. La famille m'a envoyé promener avec un ensemble touchant. Quant aux amis, les uns n'étaient pas chez eux, les autres se trouvaient, comme par hasard, un peu gênés en ce moment. Ah, que voulez-vous, monsieur Philippe? C'était malheureusement à prévoir. Oui, oh, je sais bien, ils n'ont que désir, tous. C'est que je ne trouve pas cet argent pour que, bon gré mal gré, je sois séparé de Luba. Mais ça, ils ne me connaissent pas. J'irai plutôt en prison à sa place. Oui, monsieur Philippe. S'ils se figurent que je vais l'abandonner dans un moment pareil, ils se trompent, c'est moi qui vous le dis. Ils oublient une chose, c'est que c'est pour moi qu'elle a fait ça. C'est pas pour elle qu'elle a voulu plus d'argent. Elle vivait de rien avant de me connaître. Eh bien, je ne la laisserai pas aller en prison pour moi. Vous entendez, Antoine? On aura beau faire, je ne la laisserai pas. Je comprends, monsieur Philippe, mais... Oh, il me faut ces 1 200 000 francs, il n'y a pas à dire. Ah, si je pouvais, monsieur Philippe, ce serait avec plaisir, mais 1 200 000 francs, vous comprenez? Non, il ne s'agit pas de ça, Antoine. Je ne vous les demande pas, vous m'avez déjà prêté suffisamment d'argent. Non, c'est pas pour ça que je suis venu. Et alors, monsieur Philippe? Mais si j'en parlais à Christina? Oui. Je vous prie de croire que si je me résigne à ça, c'est que je ne peux pas faire autrement. Parce que demander de l'argent à ma femme pour sauver ma maîtresse, c'est une chose qui ne m'est pas précisément agréable. Mais que voulez-vous? Seulement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais non, ils sont tous au bal de l'Interallié. Madame Philippe, Monsieur Pinto, Mlle Lily, enfin tout le monde. Oh, allons, décidément, le sort est contre moi. Mais ce n'est vraiment pas de chance. Vous seriez venu il y a seulement 20 minutes, vous la trouviez toute seule chez elle. Monsieur Pinto était parti s'habiller. Maintenant, Dieu sait à quelle heure ils vont rentrer. Alors, pour pouvoir lui parler. À moins que vous ne puissiez attendre jusqu'à demain, elle est souvent seule le matin. Mais si le vendeur n'a pas l'argent avant 8 heures, il dépose sa plainte et Louba est arrêté, comprenez-vous? Ce n'est pas demain qu'il me le faut, là, c'est maintenant, là, c'est tout de suite. C'est bien, monsieur Philippe, vous le trouvez? Ah, ça, j'en sais rien. Mais il me le faut. Moi, si j'avais encore des bijoux, je les vendrais, naturellement. Mais il y a longtemps que je n'ai plus rien. J'ai mis au clou ma dernière perle il y a 8 jours. Oh, d'ailleurs, pour ce qu'on en tire. Vous savez combien ils m'ont donné de mon bracelet de platine? Et qu'est-ce que vous regardez? Non, non. 300 000, ben on en a donné 300 000. Et Christina l'avait payé 900. Ben, je le sais, j'ai vu la facture. Antoine a son plan dès que la comtesse est sortie. Vous connaissez la comtesse Polaki, monsieur Philippe? La comtesse Polaki? Oui. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Pourquoi? Non, pour rien. Parce que je pensais que si vous l'aviez connue, vous auriez pu lui demander à elle de vous avancer cet argent. Ben oui, mais je la connais pas. Ah. Vous pourriez peut-être lui demander tout de même. Sans la connaître? Mais comment voulez-vous, elle me prendrait pour un fou? Mais non, monsieur Philippe, non, c'est une dame qui comprend les choses. Mais sous quel prétexte lui demanderais-je ça? Il n'y a pas besoin de prétexte. C'est une dame qui s'intéresse beaucoup aux messieurs. Surtout quand ils sont beaux garçons comme vous, monsieur Philippe. Ah bon? Oui. Justement, elle est toute seule en ce moment, elle s'ennuie. Vous pourriez peut-être essayer. Maintenant, je vous dis ça, hein, c'est pour vous rendre service. Ouais. Dites-moi, il faudrait payer en nature, je suppose. Au moins un petit acompte, monsieur Philippe. La comtesse Polaki, ce n'est pas une petite brune, là qui... Ah non, ça, c'est la jeune. Oh. Non, celle-ci, c'est l'autre, celle qui a une écurie de course. Ah oui. Oh, elle est très connue. Oui, et quelle... Enfin, comment est-elle? C'est une dame très gentille, très bien élevée. Oui. Je veux dire, physiquement. Elle n'a pas dû être mal. Ah, oui. Quel âge? Dans les... 40, 45. Pas plus, hein? Pas beaucoup plus. Enfin. Je vous offre ce que j'ai, hein, monsieur Philippe. Oui. Naturellement, nous ne serions pas si pressés. Je ne vous dis pas qu'on ne trouverait pas mieux. Vous seriez venu à l'heure du thé, par exemple, il y avait déjà beaucoup plus de choix. Ah oui, nous avions Mrs. Gers, qui est justement arrivée de New York, Madame de Colorado, la princesse Litkovski, certainement que dans le nombre, il s'en serait trouvé une pour vous rendre service. Et à cette heure-ci, justement, ce soir, c'est le bal de l'Interallié, toutes ces dames y sont, ça c'est plus que certain. Mais... Vous êtes sûr que ça l'intéresserait, celle-ci? Ah, pour l'intéresser, ça l'intéressera. Non, c'est plutôt la question du chiffre. 800 000 francs, vous comprenez? Ah, elle trouvera que ça ne les vaut pas. Ah. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur Philippe. Non, mais d'après le personnel ici, c'est une dame qui n'attache pas son chien avec des saucisses, comme on dit. Elle est plutôt serrée. Mais c'est gay. Ah, si j'avais quelqu'un d'autre sous la main, monsieur Philippe, ce serait avec plaisir, vous pensez bien. Oui. Est-ce que je peux la voir? Une seconde. C'est celle qui parle avec Jules. En jaune. Aussi, tous les deux. Oh là là. À regarder. Je ne vous ai pas dit qu'elle avait 20 ans. Oh, mais ça va être affreux, Antoine. Alors, il ne faut pas le faire, monsieur. Mais est-ce que j'ai le choix? Oh, puis après tout. Alors nous y allons? Allons-y. Vous verrez, de près, elle n'est pas si mal que ça. Puis en tout cas, c'est une dame très discrète de ce côté-là, vous serez tranquille. Oui, mais vous allez lui dire un mot, vous d'abord. Ah, ça c'est difficile, monsieur Philippe. Ce genre d'affaire-là, voyez-vous, moi j'essaie autant que je peux de ne pas m'en occuper. Oui, je sais, mais... Non, une réputation est si vite faite à Paris, surtout dans ma situation. Oui, mais enfin, je pensais que pour moi, vous feriez une exception, étant donné les circonstances dramatiques où je me trouve. Je pourrais pas lui dire. Enfin, il faut bien que ce soit pour vous, monsieur Philippe, autrement. Merci. Bon, alors dans ce cas-là, le mieux serait que vous alliez attendre quelques instants dans la galerie. Pendant ce temps-là, je lui parlerai. Bon, pas un mot de Louba, n'est-ce pas? Non, je dirais que vous avez perdu au jeu. Mais c'est ça. Je crois qu'elle vient par ici. Comment est-ce que je suis? J'ai pas trop mauvaise mine? Ah, non, monsieur Philippe. Ah, monsieur Philippe. Monsieur Philippe, repassez dans un moment. Vous irez vous asseoir un peu plus loin. Ah bon, pourquoi? Pour qu'elle vous voie, monsieur Philippe. Ah, oui, c'est juste. Un petit peu plus troublé que tout à l'heure. Antoine. Madame la comtesse. Qui est ce monsieur? Monsieur Philippe Leroy Gomez, madame la comtesse. Encore un Leroy Gomez? Matin, quelle famille! Ah, ça oui. Mais je ne sais pas si je ne préfère pas celui de tout à l'heure, par exemple. Il avait de bien beaux yeux. Ah oui? Pourtant, en général, on préfère monsieur Philippe. On trouve qu'il fait plus homme. Question de goût. Sûrement, madame la comtesse. Quelle morne soirée, mon pauvre Antoine. Il n'y avait personne au bar, madame la comtesse. Personne d'intéressant, en tout cas. Des Américains en train de boire. Quelques petits jeunes gens qui s'amusent entre eux. La misère, quoi. Au fond, je crois que je vieillis, voyez-vous. Oh. Si, je ne m'amuse plus aussi facilement. C'est que je n'ai plus 20 ans, vous savez. Ni même 30. C'est vrai, madame la comtesse. Quel âge me donnez-vous? Eh bien, justement, nous en parlions à l'instant avec monsieur Philippe. Ce monsieur? Oui, madame la comtesse. Mais il ne me connaît pas. Oh, si, madame la comtesse. Où donc m'a-t-il connu? C'est-à-dire, il paraît qu'il a souvent cherché à se faire présenter à madame la comtesse, mais comme un fait exprès, ça ne s'est jamais trouvé. Tiens. Et vous discutiez mon âge? Madame la comtesse m'excusera. Mais voyons. Quels étaient vos pronostics? Eh bien, moi, je disais... dans les 37, 38... Et monsieur Philippe lui disait, pas plus de 34. C'est vous qui étiez dans le vrai, Antoine. Il s'appelle Philippe? Philippe Leroy Gomez, oui, madame la comtesse. C'est un joli nom. Et voici Philippe, qui regarde partout, excepté du côté de la comtesse. Puis, tout de même, lui jette un petit regard à la dérobée et disparaît. C'est vrai qu'il est bien. Vous avez raison, Antoine, il fait plus mal que son frère. Oh, ça ne se compare pas. Où est-il allé par là? Je ne sais pas, madame la comtesse. Il n'est pas parti, au moins. Oh non, ça, je ne pense pas, son par-dessus est là. Ah non, il est assis dans la galerie. Qu'est-ce qu'il attend là, tout seul? Il aura sans doute vu en passant que madame la comtesse était ici. Mais vous croyez vraiment que je l'intéresse tant que ça, Antoine? Si je pouvais répéter à madame la comtesse ce qu'il m'a dit tout à l'heure, elle n'en douterait pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vaudrait mieux qu'il le répète lui-même à madame la comtesse. Mais comment? Puisqu'il ne m'a pas été présenté. Ah, c'est vrai.

Ça, monsieur Philippe, c'est à vous de décider. En tout cas, elle vous attend. Tenez, elle regarde par ici. Mais comment est-ce que je vais faire pour lui parler? C'est que j'ai pas l'habitude de commencer, moi, avec les femmes. Mais pas pour ça, monsieur Philippe. Allez vous asseoir à côté d'elle, le reste s'arrangera tout seul. Oh, tenez, elle vous sourit pour vous donner du courage. Hé, hey, Philippe! Tina! Oh, mais ça, par exemple, c'est une veine. Oh, mais pourquoi tu es ici? Eh bien, j'étais venu pour te voir. Pour me voir à moi? Oui. Oh, c'est vrai? Oui. Et puis, Antoine m'a dit que tu étais sortie. Madame n'a donc pas été au bal? Si, je suis allée, mais je me suis tellement ennuyée que je suis partie. Ah, et monsieur Pinto? Et il est resté avec Lily pour attendre la tombola. Ah, bien. Oh, je suis très contente que je suis revenue. Oh, et ben, et moi alors? Toi, tu es contente? Oh là là, tu ne peux pas savoir ce que je suis content. Mais alors, pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Oh, ben, tu sais. Tu veux nous asseoir ici un moment? Oui. Tu veux? Oui, volontiers. Je vous demande pardon, monsieur Philippe. Vous n'avez plus besoin de la comtesse. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en vais toujours la faire attendre, à tout hasard. Merci. Mais comme tu as mauvaise mine. Oui, ça se peut, oui. Mais pourquoi tu as cette mauvaise mine? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Oh, mais j'ai tellement d'embêtements en ce moment. Tu as beaucoup d'embêtements? Oh là là. Pobrecito. Mais alors pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Parce que tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser, voyons, Christina. Mais pourquoi? Est-ce que je ne suis pas ta femme? Oui, évidemment. Eh bien. Mais c'est justement pour ça. Combien il te faut? Non. Ah, ne sois pas estoupé, Philippe. Dis-moi combien il te faut. Non. Je ne te le dirai pas. Je ne peux pas accepter d'argent de toi, surtout dans cette circonstance. Et qu'est-ce que c'est que la circonstance? J'ai besoin de 200 000 francs pour empêcher Louba d'être arrêté demain. Alors tu vois. Et pourquoi on va l'arrêter? Oh, elle a commis une imprudence. Tu as ton stylo? Oui, pourquoi faire? Donne-le. Mais non, mais puisque je te dis que je ne veux pas. Ah oui, c'est assez de 200 000. Oui, mais je te répète. Bon, à quel nom je fais le chèque? Au porteur, ça vaudra mieux. Tiens. Tu es très généreuse, Christina. Mais non. Oh, si. Ce n'est pas que je suis généreuse. C'est seulement que je t'aime. Chère Tina. Mais je me suis pourtant si mal conduit avec toi. Ah, ce n'est pas de ta faute. Moi, je n'étais pas si jolie pour toi. Non, ce n'est pas ça. Je le sais, moi, qu'elle est beaucoup plus jolie que moi. Mais non, je t'assure que ce n'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, tu pourrais pas comprendre. Ah. Oh. Pourquoi? C'est une chose que je m'explique à peine à moi-même. Quand nous nous sommes connus, il y a 3 ans, à Biarritz, tu ne peux pas savoir ce que je t'ai aimé. Et moi? Jamais aucune femme ne m'avait plu autant que toi. C'est vrai? Tu te rappelles le premier soir? Dis-toi. Et ces 2 mois que nous avons passés ensemble, tu te souviens? C'était merveilleux. Et puis tu m'as demandé de t'épouser. Mais alors ça a pu être pareil. Ah, mais moi je croyais que tu étais dans le rêve. Oh, mais bien sûr, tu m'as comblé. Tout ce qu'un homme peut souhaiter, tu me l'as donné. Mais c'est ça, justement, qui a tout changé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrais jamais aimer une femme qui m'entretient, moi. Non. Non, c'est pas possible. Aussitôt que j'ai eu la touche, je n'ai plus qu'une idée. C'est à tromper avec une autre. Tu comprends pas ça, toi? Non. Oh, parce que tu sais pas ce que c'est, heureusement pour toi. Mais je te jure, il y a plus d'une femme qui me comprendrait. Oui, c'est une chose qui tue l'amour, ça. Je l'ai vu il n'y a pas encore longtemps, tiens, avec cette pauvre Louba. Oh, ça t'est peut-être désagréable que je parle d'elle. Non, ça ne fait rien. Bon, eh bien, quand elle a commencé à gagner un peu d'argent à son garage, elle a tenu absolument à me faire quelques petits cadeaux. Oh, pas grand-chose, des babioles, un flacon de parfum, des cravates, une chaîne de poignet, une robe de chambre en soie. Oui, parce que celle que tu m'avais donnée était usée. Non, mais j'ai pas pu lui refuser. J'ai vu que ça lui ferait de la paix. Mais quand j'ai compris que ça allait recommencer comme avec toi... Oh. En petit, bien entendu. Mais j'étais sur le point de ficher le camp. C'est vrai, tu sais. Et puis elle a commis la bêtise d'emprunter pour jouer sur une voiture qui ne lui appartenait pas. Le drame est arrivé. Et alors, à partir du moment où c'est elle qui a eu besoin de moi, j'ai plus eu envie de partir. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, moi. Je ne changerai jamais. Ce que j'aime, moi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça il y a 3 ans? Oh, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne me doutais pas encore. Et puis tu oublies maman qui veillait au grain. Elle me tannait assez pour que j'épouse une femme riche. Mais tu aurais épousé une autre. Et moi, tu m'aurais aimé. Ah oui, évidemment. Mais si on savait. Et quand on sait, il est trop tard. Bon. Non, oui. Il va falloir que je m'en aille, Tina. Déjà? Oui, oui. Tu sais, il commence à se faire tard et puis... Je suis bien fatiguée. Pauvre. Alors, puisqu'il le faut... Ah, mais qu'est-ce que tu as, Philippe? Non, non, non, ce n'est rien. La tête me tourne un peu. Ah, et qu'est-ce que moi, je dois faire? Rien, rien, rien. Ça doit venir de ce que je n'ai rien mangé depuis hier. Oh, il n'a rien mangé, Horace Smith. Non, c'est parce que j'ai pas eu le temps, voilà tout. J'ai tellement couru pour essayer de trouver cet argent. Ah, tu vas prendre quelque chose ici avant de t'en aller. Non, non, non, je m'arrêterai chez un bistrot avant de rentrer. Ah, non, non, non, ici, ici, moi, je le veux. Non. Antoine, Antoine. Ah, écoutez, ici, figurez-vous que depuis hier, il n'a rien mangé. C'est vrai? Oui, c'est possible d'avoir tout de suite quelque chose. Bien entendu, madame, au restaurant? Ah, si vous voulez. Ou peut-être à l'appartement, parce que le restaurant à cette heure-ci, c'est pas bien. Ou tu préfères, c'est mieux à l'appartement. Non, mais je ne veux pas te déranger. Me déranger, oh, à l'appartement. Bon, alors, un petit consommé pour commencer? Oui. Manger du caviar tout frais, arrivé de ce matin. Arrêtez-le. Ah non, non, mais je veux pas la peine. C'est sûr, du caviar. Un peu de viande froide avec une petite salade romaine. Oui. Bon, et une compote pour terminer? Voilà. Ah, mais c'est beaucoup trop. Bon, comme boisson, une pommerie 47, comme d'habitude. Oui. Non, non, non, non, non, non, surtout pas de champagne, non, je ne le supporterai pas. De l'eau, tout simplement. Oui, alors de l'eau. Mais très vite, Antoine. Tout de suite, madame, tout de suite. Tu viens, Philippe? Oui, oui, voilà. Monsieur Philippe, pour la comtesse. Oh, ça va, elle peut aller se coucher. Antoine, quand viendra Carlos, dites-lui que j'étais... un peu fatiguée, que je me suis couchée. Bien, madame. Et surtout, empêchez-le de monter. Ah, oui, mais qu'est-ce qu'il faudra lui dire pour l'empêcher? Ah, dites-lui qu'est-ce que vous voudrez, moi, ça m'est égal. Ah, oui, madame, mais s'il insiste. Ah, s'il insiste. Ah, donnez-lui ça. Ça suffira? Ah, oui. Ah, non. Ça, c'est je veux dire, madame, sa fille. Ne voudrais pas ajouter un petit mot? Et voilà, comme ça, et... Merci, madame. Ah, Antoine, mettez quand même la bouteille de pommerie. Je l'avais mise à tout hasard, madame. Ah, oh, merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Jules. Jules, tenez, passez cette commande et qu'on la monte au 204 aussitôt que ce sera prêt. Au 204? Oui, avec deux couverts, mais qu'on se dépêche, c'est pressé. Bien. Ah, madame la comtesse, vous... Justement, j'allais prévenir madame la comtesse... Il a un certain toupet de me faire attendre comme ça votre monsieur, vous savez, Antoine. Ah, oui, c'est comme un fait exprès, madame la comtesse, il a fallu qu'il rencontre sa femme. Ah, il est marié, en plus, c'est complet. Oui, comme ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, certainement, ils avaient beaucoup de choses à se dire, ça fait que... Alors, c'est sans doute pour eux, ces deux couverts dont vous parliez à Jules. Justement, madame la comtesse. Charmant. Il me paraît inutile, dans ces conditions, d'attendre davantage. À la place de madame la comtesse, moi, je sais très bien que j'irai carrément me coucher. Eh bien, je me souviendrai de cette soirée, par exemple. Il y a des jours comme cela. On a beau faire, rien ne s'arrange. Je ne regrette qu'une chose. C'est d'avoir perdu mon temps à vous écouter. Il ne faut jamais regretter d'avoir voulu faire une bonne action, madame la comtesse. Merci de vos conseils, Antoine. Ce n'est rien, madame la comtesse. Mais à l'avenir, vous voudrez bien adresser vos pauvres ailleurs. Bien, madame la comtesse. Bonsoir, madame la comtesse. Bonsoir. On peut boucler, monsieur Antoine, ça m'a l'air terminé pour ce soir. Vous pouvez partir, on va tout attendre, monsieur Pinto, encore une commission agréable. Oh, tenez, le voilà, justement. Ah, tiens. Regardez, Antoine, ce que Carlos a gagné à la tombola, un Picasso. C'est joli, hein? Oh, j'ai faim, mademoiselle. Madame, il est monté. Oui, monsieur Carlos, elle m'a laissé quelque chose pour vous. Pour moi? Voilà. Et ça pire? Elle vous a dit de me donner les sapires? Oui, monsieur Carlos, elle a écrit quelque chose sur le papier. Adios para siempre, Cristina. Alors elle veut me quitter, c'est vrai? Je ne sais pas, monsieur Carlos, elle m'a seulement dit de vous dire qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher et qu'il ne fallait surtout pas que vous montiez. S'il insiste, elle a dit, vous lui donnerez ça. Alors comme j'ai pensé que vous insisteriez, j'ai préféré vous le donner tout de suite. Alors c'est fini. C'est peut-être pas définitif, monsieur Carlo. Ma fille, je les sens bien. Depuis longtemps qu'elle a versé les mois, elle attendait seulement l'occasion. Et maintenant est venue l'occasion, Oh, que disgrazia. Faut pas vous désoler comme ça, monsieur Carlo. Mais moi, je lui avais tout sacrifié. Mon honneur, ma réputation, tout. Et voilà qu'est-ce qu'elle fait avec moi, Et c'est toujours comme ça avec les femmes. Toutes, ils sont pareils. Exagérez, monsieur Carlo, toutes ces dames ne sont pas comme ça. Moi, toutes, je vous dis, pas une qui vaut mieux que l'autre. Je suis sûr qu'il y en a de moins volages. Ah, des moins volages. Mais oui, des dames sérieuses et qui sauraient apprécier un homme comme vous. Tenez, un homme dévoué, tranquille, et qui ne pense pas toujours à s'amuser. Mais vous en connaissez-vous de ces femmes-là? Mais peut-être. Alors vous voulez me dire où ils sont? Mais peut-être, pas si loin que vous croyez. Demandez un peu à mademoiselle Lily ce qu'elle en pense. Oh, qu'est-ce que ça lui fait ce que j'en pense et ce que je compte, moi? Je ne suis qu'une pauvre petite couturière de 4 sous, ça moi. Ça n'empêche pas d'avoir un cœur. Ah, les femmes, ils n'ont pas des cœurs. Oh, mais ne parlez pas ainsi, Carlos, vous ne savez pas ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'une femme vous a déçu qu'il faut mal juger toutes les autres. Antoine a raison, il y a des femmes capables d'apprécier un homme comme vous. Et capables aussi de l'aimer. Oui, oh, je sais bien, je prends mal mon moment pour vous dire que je vous aime quand vous êtes encore tout étourdi par le coup que vous venez recevoir, mais que voulez-vous? Je suis pas à droite, moi, on m'a jamais appris à l'être. Je me suis faite toute seule, moi. Ah, j'ai trimé dur, allez. Fallait bien, n'est-ce pas, je n'étais pas jolie. Alors, je n'intéressais personne. Je me suis dit, ma petite, si tu veux un jour avoir ta place au soleil et pouvoir choisir un homme qui te plaise, il faudra te débrouiller toute seule. Et je me suis débrouillée. Bon, la place au soleil, elle n'est pas encore bien grande, mais patience, ça viendra. Quant à l'homme... Look! The first good-looking Frenchman I've ever seen! Here, but he's not a Frenchman! Yes, he is! No, he's not. I've asked an uncle already. Oh, what is he? South American. Ah, never mind, let's have a try on him. Go on, go on. Mais pourtant, tu peux, c'est américaine, ma parole, elle se croit tout permis. Allons ailleurs, voulez-vous, c'est insupportable. Si. Lui aussi en se dandinant et en ayant montré longuement son saphir à l'une des Américaines. Did you know what she said? Arizona to pay, she's American. Come on, girlie, it's here. Come on, let's go to bed. Oh, what a life. And this is Gipper. Here comes another one. I knew, but he's not for us either. Ce n'est pas pour ton fichiné. Good night. Good night. Hey, good night. Alors, vous êtes content, Jimmy? Dot, j'espère que vous n'en doutez pas. Oh, vous croyez que vous serez heureux avec moi? Mais bien sûr, Dot. Quand parlerez-vous à maman? Il faut que je lui parle, mais... Ah oui, parce qu'il y a un tas de questions que vous réglerez bien mieux toutes les deux. C'est les chiffres, moi... Bon, alors je lui parlerai demain. Bon. Oh, Jimmy, vous croyez que vous allez vous plaire en Amérique? Mais bien sûr, Dot. Oh, Boston, ce n'est pas très drôle, vous savez. Peut-être vous allez vous ennuyer là-bas. Non, mais je m'ennuierai pas, Dot, puisque je serai avec vous. Darling. Mais nous irons aussi dans la maison de Palm Beach. Oui, et puis à New York, de temps en temps. Oh, New York, pas trop. Vous savez, vous auriez trop de succès à New York, darling. Oh, Dot, voyons. Voilà votre mère. Ah, je vous l'ai, Jimmy. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus tous les deux? Nous sommes rentrés à pied. Tu aurais bien pu me prévenir. Nous allons chercher partout avec Larry. C'est extrêmement désagréable. Oh, il ne faut pas être en colère, madame, parce que j'ai quelque chose à vous demander. Alors, si vous êtes en colère, moi, je ne pourrai plus. Mais quoi donc? Je voudrais savoir si je peux venir vous voir demain pour parler de choses très importantes. Regardons Jimmy and I. Comment, des choses? Jimmy! C'est vrai? Ben oui, maman. Oh, mes enfants, comme je suis heureuse. Oh, mais quel petit cachotier. Vous savez, il n'arrive pas à parler de tout ça, là. Mais depuis quand avez-vous décidé ça? Ben, il y a une demi-heure. En dansant le dernier tango. Non. Yeah. J'ai dit à Jimmy, voulez-vous être ma mari? Alors Jimmy m'a regardé en ouvrant le grand œil. Il y avait de quoi? And you gave me a kiss, didn't you, darling? Yes. And voilà. Eh bien, voilà une surprise. Oh, mais une charmante surprise. À quelle heure voulez-vous venir me voir demain matin, ma chérie? Vers 10h, si ça vous plaît. Entendu. Maintenant, je vais vous dire bonsoir. Je suis un petit peu fatiguée. Oh, mais ça se m'en vite après une journée pareille. Vous voulez bien que je vous embrasse? Oh, mais certainly, avec plaisir. Bonsoir, ma chérie. Oh, good night, darling. Bonne nuit. Good night, thank you. Jimmy. Oui? Vous pouvez venir me dire bonsoir dans un moment? Là-haut? Oui. Ah, ben, je sais pas si je pourrais, vous savez. Ah, pourquoi? Bah, à cause de maman. Si, il faut pouvoir, Jimmy. Je tâcherai. Je vous attends. Hey! Good night, sleep well. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon trésor. Et bravo, je suis très fière de mon fils. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a demandé tout à l'heure en partant? D'aller lui dire bonsoir chez elle, tu penses? Oh bah, maintenant. Oh, qu'est-ce que tu veux? D'abord, il est minuit passé, puis moi j'ai envie de dormir. Ah, Antoine, arrivez un peu. Je veux que vous soyez le premier à apprendre la nouvelle. Je vous annonce que Jimmy est fiancé. Oh, tous mes compliments, madame. Merci. Ça a été dur, mais nous y sommes arrivés tout de même. Oh, je suis bien contente, vous savez. Je le comprends, madame. Oh, d'ailleurs, j'étais bien tranquille avec Jimmy. Il est si avisé, si raisonnable. Ça, c'est un enfant, je peux le dire, qui ne m'a jamais causé que des satisfactions. Ah, quel dommage que son pauvre père ne soit plus là. Il aurait été si heureux. Pour une fois que ça arrive. Tiens, Lily. Le mois de mai s'annonce encore meilleur. Si ça continue, je triplerai mon chiffre d'affaires cette année. Vraiment? Oui, vraiment. Ah, par exemple. Oui, d'ailleurs, l'année prochaine, je vais... À la maison de la couture? À la maison de la couture. Dans la maison. Je n'aime pas beaucoup qu'elle se mette à fréquenter ce monsieur. Mais toi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils sortent ensemble? Mais ça n'est pas. Ma fille sort toute seule avec ce monsieur, mais ça ne se passera pas comme ça. Elle aura de mes nouvelles demain matin, mais il ne manquerait plus que ça, par exemple. Madame est injuste pour monsieur Carlos, il vaut mieux qu'il n'en a l'air. Mais qu'est-ce qui vous prend, mon pauvre Antoine? Mais la réputation de monsieur Pinto n'est plus à faire, c'est un individu complètement taré. C'est bien simple, c'est un homme qui vit des femmes, voilà. Mais oui, madame, seulement ça, on le dit de tant de ces messieurs. Alors, vous allez vous coucher, mon bon Antoine? Oui, madame, mais je vais faire un petit tour à pied avant. Pour faire de l'exercice? Pour changer un peu d'air, madame. Mesdames, Messieurs, diffusée de la Comédie-Française à Luxembourg, vous avez entendu le deuxième acte de la pièce d'Édouard Bourdet, Le sexe faible. Nous voici à nouveau salle Luxembourg. Veuillez écouter à présent le troisième acte de la pièce d'Édouard Bourdet, Le sexe faible. Troisième acte, même décor qu'à l'acte précédent, c'est le lendemain matin. Monsieur Antoine vient tout de suite, madame. Ah, merci. Non, pas devant la fenêtre, c'est pas possible, tout est pris. Donnez-lui une douze, on avancera si on peut. Bien. Tranquille demain. Madame, bien, très bien. Dépêchez-vous, ça devrait être fini à cette heure-ci, ça. Bonjour, madame. Ah, je vous demande pardon de vous déranger déjà à cette heure, Antoine, mais j'avais absolument besoin de vous parler. Ça ne fait rien, madame, tout à votre disposition. Je vais vous demander un conseil. Oui, madame. Oui, ça, c'est une chose très importante, hein, qu'il y va du bonheur de ma vie. Oui, madame. Vous savez à quelle heure il est parti, Philippe? Non, madame. À 8h ce matin. 8h, sapristi! Madame doit être contente. Ah, mais Antoine, je ne peux plus me passer de lui, vous ah, savez. Ah, voilà. Ah, ça, c'est épouvantable comme je l'aime. Mais oui, madame. Jamais je ne pourrai aimer un autre maintenant. Oh, il ne faut jamais dire cela, ah, madame. Je le dis parce que je le sais. Depuis 3 mois, je l'avais un peu oublié. Mais après cette nuit, que ce n'est plus possible. L'amour avec lui, ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Bien sûr, madame, bien sûr. Ces choses-là, n'est-ce pas, ça ne se discute pas. Mais je ne veux plus le laisser aller avec cette riche, Antoine. Ça me fait trop souffrir. Mais oui, madame, seulement voilà comment faire. Écoutez. Ah. Moi, j'ai une idée. Ah. Ah oui. Et je veux vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Pardon, madame. Qu'est-ce que c'est? Il y a Mrs. Gertz qui téléphone. Elle demande si au déjeuner de ce matin, c'est l'ambassadeur des États-Unis qu'elle doit prendre à sa droite ou M. Boris vient. Oui. Eh bien, dites-lui qu'elle m'envoie sa liste d'invités. Je les placerai moi-même, ça vaudra mieux, hein? Bien. Bon, madame m'excuse, mais à cette heure-ci. Alors, madame était en train de me dire... Voilà. Hier soir, Philippe, il m'a dit une chose que sur le moment, moi, je n'ai pas fait beaucoup attention, mais qu'elle m'est revenue ce matin quand il a été parti. Quoi donc, madame? Ça, c'est une chose formidable. Vous savez pour quelle raison il a commencé de ne plus m'aimer à moi après le mariage? Non, madame. Pour la raison que moi, je lui donnais de l'argent. Pas possible. Pour lui, ça, c'est une chose qu'elle tout l'amour. La femme qu'elle entretient, il ne peut pas l'aimer. Une autre, oui. Mais celle qui lui fait les cadeaux, qu'elle paie les dépenses, il ne peut pas. C'est drôle, non? Oh, drôle si on veut. Au fond, c'est assez naturel que madame se mette à sa place. Quand moi, je dois toi à une femme, il a dit. Alors moi, j'ai envie de la tromper avec une autre. Non, forcément, madame, c'est la règle. Bon, alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que mon idée. Si quand moi, je n'ai plus d'Aljane, il ne peut plus m'aimer, alors moi, je vais me séparer de mon Aljane. Madame veut se séparer de son argent. Ah oui? Je vais le donner. Ah, et voilà, mais à qui? Ah, ça, je n'y sais pas, à des œuvres. Seulement que je vais en trouver quelqu'une qui va accepter. Ah oui, non. Non, ce n'est pas là la difficulté. Et madame ne croit pas que c'est un peu risqué. Avant le mariage, il m'aimait. C'est seulement quand sont venues les questions d'Aljane qu'il ne m'a plus aimée. Alors si moi je n'ai plus d'Aljane, et tout est bien de nouveau, non? Enfin oui, ça dépend des goûts. Moi je ne tiens pas à l'Aljane, je tiens seulement à l'amour. Bien sûr, madame. Parce que ça, l'Aljane, qu'est-ce que c'est? Eh? Rien du tout. Oh, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Mais l'amour, ah l'amour, ça, ça c'est quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas connu qu'est-ce que c'est, vous, Antoine? Guerre, madame, enfin j'en ai beaucoup entendu parler, par exemple. Ah, c'est une chose. Et splendide, Antoine. Je le crois volontiers, madame. Mais si madame me demande mon avis, moi je lui conseille d'y regarder à deux fois avant de donner sa fortune aux œuvres. Parce que ça peut être des institutions charitables, elles ne vous rendent pas ce qu'on leur a donné. Ah mais moi je ne veux pas qu'elles me rendent. Mais supposons que ça ne réussisse pas. Mais je sais, moi, que ça va réussir. Ah, ah, ah. Non, c'est pour la question des physiques. Je ne lui plaisais pas, alors non. Mais de ce côté... Je n'ai pas peur. Oui, ça, je ne peux pas vous donner les détails. Je ne les demande pas, madame, je ne les demande pas. Mais souvenez-vous que jusqu'à 8 heures, il était là ce matin. Alors, vous voyez? Oh, je vois très bien, madame. Mais si madame tient absolument à essayer ça, en tout cas, moi, je m'y prendrais autrement. Ah, comment? Oui, au lieu de se séparer de son argent, madame n'a qu'à dire qu'elle l'a perdu. Bon, le résultat sera le même, mais ça permet de voir venir. Ah! Et voilà! Et comment moi je n'ai pas pensé à ça? Mais que vous êtes intelligent, Antoine! Oh! Une véritable génie que vous êtes! Vous êtes bien bonne, madame! Monsieur Antoine, qu'est-ce que c'est? Madame la duchesse d'Olivares voudrait vous parler au téléphone. Bon, dites à Jules d'y aller, moi je n'ai pas le temps. Hein? Mais comment je pourrais lui faire croire ça, Philippe? Eh bien voyons, où madame a-t-elle sa fortune, si je peux me permettre de lui demander? C'est presque tout dans une banque à Buenos Aires, que mon oncle il est le président. Ah, ça c'est ennuyeux. Ah pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire que la banque avait fait de mauvaises affaires, mais c'est peut-être contrariant pour l'oncle de madame. Oh non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est un oncle qui est très vieux et qui ne vient jamais ici. Bien, alors on peut dire que la banque est en déconfiture. En déconfiture? Oui, enfin, en faillite. Ah, et voilà! Et que mon oncle, il a pris mes valeurs pour des spéculations, qu'elles ont mal tourné. Tout simplement. Voilà. Ah, et comment moi je l'aurais appris? Par une lettre. Et s'il me demande Philippe de voir la lettre, moi je ne l'ai pas. Eh bien, madame n'a qu'à préparer un brouillon, je vais taper au bureau. Ah, mais moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Si vous étiez assez bon pour me dire en français, Antoine, moi je vais traduire en espagnol. Enfin, si madame veut. Et après, moi je vais téléphoner à Philippe qu'il est arrivé une chose épouvantable et qu'il doit venir. C'est ça. Ah, voilà. Voilà. Vous allez me garder le secret. Bien sûr, madame. Ça, il faut que tout le monde à Paris il croit que je suis ruinée. Autrement, ça ne va plus. Ça, vous comprenez? Oui, on le croira, madame, on le croira. Les mauvaises nouvelles comme ça, on les croit toujours. Que je vous remercie, Antoine. Rien, rien, madame. Et à quelle heure vous allez venir? Dans un petit moment, le temps terminé ici. Non, je vous attends. Oui, madame. Ah, vous avez parlé à la duchesse d'Olivares? Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez? En tenir une table pour le déjeuner. Ah, et puis alors, les Américains, alors, elles demandent qu'on l'appelle Altesse Royale. Ah, non, non, non, ça je lui ai déjà dit. Donc, quand nous serons seuls, si ça lui fait plaisir, mais pas devant le monde, moi. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile. Voilà Monsieur Pinto qui s'amène. Ah, qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Bonjour, Monsieur Carlos. Bonjour. Vous voilà revenu? Oui. Je suis revenu. Pourquoi? J'ai quelque chose à vous demander, moi. Vous êtes bien rentré hier soir avec Mademoiselle Lily? Ah, je vous en prie! De ne plus me parler de cette femme-là! Allons, bon. C'est une créature sans honneur et sans loyauté. Pas possible. Si. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, monsieur Carlo? Vous avez entendu qu'est-ce qu'elle m'a dit ici hier soir? Ah oui, je me souviens. Quand j'ai vu qu'elle me parlait comme ça, moi je me suis dit, Carlos, n'est pas une raison pourquoi tu étais très attaché à Christina, qu'elle a trahi ton amour pour laisser passer l'occasion de te refaire ta vie avec une autre. Table. Bon. Alors en arrivant à la maison, je lui ai parlé carrément. Je lui ai dit que son mari se voulait bien être, mais autre chose, non. Mais paraît que c'était clair. Sûrement. Bon. Alors là voilà qu'elle m'embrasse à moi en me disant « Je veux que tout soit heureux et tous les seras et tous les jours. » C'était pas très méchant. Mais attendez, ça. Attendez. En même temps, elle me dit d'enlever du doigt le saphir de Christine. Et me met à la place une bague à elle. Moi, ou une petite escarabée qui n'avait pas de valeur, mais que pour la signification, c'était pareil. Oui. Moi, je la remercie avec beaucoup d'émotion. Et la voilà qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle crie au chauffeur de rentrer pourquoi elle n'a plus besoin de la voiture. Vous voulez me dire qu'est-ce que moi, je pouvais faire? Évidemment. Quand je me suis réveillé, elle était déjà partie. Vers les 9h30, par gentillesse, je pense de lui téléphoner pour lui dire une petite bonjour. Alors est arrivée la chose épouvantable. Quoi donc, M. Carlos? En demandant les numéros, je tombe sur une conversation entre elle et sa mère, que je comprends tout de suite que la mère, il parlait de moi. Et qu'est-ce qu'elle disait, M. Carlos? Ça, je préfère de ne pas vous répéter, ça. Bien, ah oui, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas d'importance pour moi, je les méprise. Vous avez raison, M. Carlos. Mais alors est arrivée la réponse de Lily. Ah, putain. Mais que je vivrai 100 ans, que je l'entendrai encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, elle a dit, comme ça. Maman, je comprendrais que tu me dises tout ça si moi j'avais l'intention de l'épouser. Mais ça, il n'est pas question. Ça, il n'est pas question. Vous avez entendu? Bon, alors qu'est-ce que vous dites? Je comprends très bien que ça ne vous ait pas fait plaisir. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai seulement mis les petites escarabées dans une enveloppe. Et en arrivant ici, je l'ai déposé à son concierge. Tiens, rien de plus. Mais jamais je ne vais la revoir. Vous avez tort, M. Carlos. Ah, qu'est-ce que vous me dites, là? Je vous l'ai dit souvent, cette idée fixe du mariage, ça vous perdra. Mais pourquoi on ne veut jamais m'épouser à moi, à la fin? Pourquoi tous les autres et moi, non? Mais que voulez-vous, M. Carlos? Vous n'y changez rien. L'habitude est prise, maintenant, c'est trop tard. Vous avez de ces messieurs, n'est-ce pas? Vous savez très bien qu'on peut les avoir quand les épousants, ils font en passer par là, mais... Si vous galvaudez avec l'une ou avec l'autre, là, que voulez-vous, ces dames en profitent. Ouais, ouais. Alors ça veut dire que toute ma vie, moi, je vais rester un gigolo, n'est-ce pas? Non, pas toute votre vie, M. Carlos, il suffit d'un coup de veine. Seulement, vous feriez mieux de chercher en province. Ou dans les villes d'autres, mais vous auriez plus de chance de réussir. Ici, ces dames sont trop au courant, non? Enfin, moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de prendre ce que Mlle Lily vous offre. De jamais de la vie! Vous avez tort, vous le regretterez. Puisque son mari, je ne peux pas s'être. Alors moi, je n'essaierai plus rien. Des femmes et moi, basta. Et alors, M. Carlos? Alors quoi? Comment faites-vous? Je veux travailler. Ah oui? Ah oui? Bah, c'est pourquoi je suis venu vous voir, à vous. Je vais vous demander de me trouver une situation. Mais c'est sérieux? C'est très sérieux. Ça ne se trouve pas comme ça, vous avez une situation. Ah, mais j'ai pensé que vous avez tellement de relations, sûrement que vous allez me trouver quelque chose, là. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? M'est égal! N'importe quel travail! Pourvu que ne soient plus les femmes! Ah, oui, seulement ailleurs, il y a un apprentissage à faire. Bon, alors je les ferai, moi. Y a-t-il quelque chose que vous connaissiez un peu? Tapez à la machine, je connais un peu. Pourquoi me dictait son courrier, Mrs. Gerst, quand on était fatigué? C'est déjà quelque chose. Attendez, vous parlez l'anglais? L'anglais? Mm. Ha! Je pense que je les parle. J'ai été 1 an avec Lady Osclay et 6 mois avec Mrs. Gerst. Alors, voudriez-vous être secrétaire d'un lord anglais? Un monsieur tout ce qu'il y a de bien, Lord Stilton, je crois qu'il s'appelle. Il a demandé à ce qu'on lui en procure un. Ça vous irait-il? Pourquoi non? Eh! Secrétaire est une situation honorable, non? Tout à fait, monsieur. Mais vous croyez qu'il va m'accepter à moi? On va essayer. Alors, quand est-ce que je peux les voir? Il faut d'abord le prévenir. Je vais tâcher d'y aller moi-même, comme ça je ferai un peu l'article sur vous. Bah, c'est vous les merci, oui. Allez faire un petit tour au bar, je ferai dire quand il sera prêt. Mais vous croyez que ça va aller aussi, ça? Ouais, pourquoi pas? Ah. Moi, j'ai si peu d'essence et dans la vie. Oh. Moi, je... Non, tenez, écoutez, je veux pas aller au bal. Hein. Je vais aller mettre un cierge à la Madone. Peut-être qu'il va me protéger. Bien, c'est ça, monsieur Callot. J'allais mettre un cierge. C'est extraordinaire, vous savez. De penser que maintenant, je vais gagner ma vie en travaillant. Déjà, je me sens tout changé. Il y a tant mieux. Oh, quel bonheur que je vous devais, Antoine. Oh. Que jamais je ne veux l'oublier, moi. Hé, hey, Carlos. Oh, comment tu vas? Comme ça. Tiens, je t'ai pris, m'excusez, mais je suis très précis. Je reviens dans un moment. Adieu. Agité, ce pauvre Carlos. Bonjour, Antoine. Mes compliments, monsieur Jimmy. Pourquoi? Madame... Ah oui, vous êtes gentil, oui. Vous n'avez pas vu Nicole? Non, monsieur Jimmy. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai eu 10h30 hier soir. Méfiez-vous, monsieur Jimmy. Ça ne plairait peut-être pas à Mrs. Freeman, ça. Elle n'a pas la prétention de m'empêcher de voir mes amis, je pense. La voici, monsieur Jimmy. Qui est Nicole? Non, Mrs. Freeman. Ensuite, soyez gentil, dites à l'entrée que si Nicole arrive, on la fasse attendre dans le centre de lecture. Bien, monsieur Jimmy. Good morning, Antoine. Pardon, monsieur Jimmy, Barrows. Mais la voici, madame. Merci, Antoine. Hello, Dot. Enfin, vous voilà, Jimmy. Oui, me voilà, oui, pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas chez votre mère? Ben, j'étais chez le coiffeur. Vous pouviez pas aller chez le coiffeur à un autre moment, non? Ah non, non, c'est la seule heure où vous pouvez me prendre. On s'embrasse pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Ah, bon. Jimmy? Oui? Look here, my boy. You don't suppose you are going to make a fool of me any longer, do you? Oui, seulement quand vous parlez à cette vitesse-là, moi je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Si vous allez continuer à vous moquer encore longtemps de moi. Moi je me suis moqué de vous? Oui. C'est à cause du coiffeur? Non. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez très bien ce que je veux dire. Ah non, je vous assure. Jusqu'à 2h, je vous ai attendu cette nuit. Ah c'est pour ça? Ah ben qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas eu moyen, je suis navré. Comment il n'y a pas eu moyen? Ah non, non, maman n'a pas voulu. Oh vraiment? Ah je vous jure. Écoutez, Jimmy. C'est une chose si affreuse pour vous que de venir me dire bonsoir dans ma chambre. C'est encore temps de pas nous épouser, vous savez. Oh, qu'est-ce que vous allez chercher là? Ah, je sais ce que je dis. À poste, c'est déjà la même chose. Vous aviez toujours de bonnes raisons pour ne pas venir. Comment de bonnes raisons? Oh oui, pour jouer au golf ou pour aller en auto, ça n'y avait jamais d'empêchement. Mais pour venir me dire bonsoir dans ma chambre, ça y avait toujours. Ben, ça s'est trouvé comme ça, voilà tout. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Mais moi, c'est pas pour jouer au golf ou pour aller en auto que je vous épouse, vous comprenez? Oui, alors, je sais, je sais. C'est pour autre chose. Alors, si vous trouvez cette chose-là trop difficile, c'est mieux de le dire tout de suite. Parce que c'est très important dans le mariage, Jimmy, vous comprenez? Mm. Oh, in France, peut-être, ce n'est pas tellement important. Mais en Amérique, oui. Chez nous, on se marie pour faire l'amour, vous savez? Alors, si vous ne tenez pas tellement à le faire avec moi, c'est mieux de ne pas nous raconter, de ne pas nous épouser, Jimmy. Oh, vous avez une façon de parler de ces choses. Vous êtes choqué? Non, on va tout de même pour y mettre un peu plus de forme. En Amérique, il n'y a pas de forme. Il y a seulement la vérité. Moi, je dis toujours la vérité, Jimmy, mais vous, non, jamais. Ah bon, bon, bon, bon. Vous êtes très menteur. Vous savez ça, Jimmy? Bien, bien, bien. Oh, mais ce n'est pas votre plus grand défaut. Ah non? Oh non. Non, vous êtes aussi horriblement... How do you say that? Horriblement grume. Oh, c'est charmant, ça. Est-ce que c'est le mot correct pour dire ça, grume? Oui, oui, je vous remercie, oui. Je crois que vous avez aussi un autre mot, non? Oui, mais celui-là suffit, vous savez. Ah, oh, c'est égal. Tel que vous êtes, vous me plaisez beaucoup. Eh bien, c'est encore une chance. N'est-ce pas? Peut-être ça ne durera pas longtemps, peut-être un jour j'aurai assez. Alors, je vous dirai, et nous divorcerons. Mais pour le moment, je n'ai pas assez. Je suis très flatté. Oh, ça vous pouvez être. Parce qu'il y a beaucoup de beaux hommes en Amérique, vous savez, Jimmy? Oui, oui. Oh, même plus beaux que vous. Seulement voilà, ils sont trop faciles. Vous faites... Ah, aussitôt ils viennent. Ça n'est pas amusant, non. Non, moi j'aime les hommes un peu gris. Comme vous, Jimmy. Ça faisait encore pour longtemps de faire des compliments. Vous êtes fâchés. Ben, on le sait à moi. Bon, alors je finis. Mais c'était nécessaire que je dise tout ça pour que vous savez où vous allez. Mm-hmm. Si vous voulez être vraiment un mari comme sont tous les maris en Amérique, alors ça ira. Et si vous voulez recommencer comme hier soir, alors ça n'ira pas du tout. C'est mieux de renoncer, voilà. Maintenant, c'est à vous de réfléchir et ensuite, vous me direz ce que vous avez décidé. Ce soir, c'est assez tôt. Maintenant, je vais sortir. Je serai sans doute un tout petit peu fatiguée en rentrant. Et vous pourrez venir me dire bonsoir dans ma chambre, si vous voulez. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. Oui. Bon, alors maintenant, vous allez venir avec moi, vous allez m'aider à choisir les robes que je dois commander avant de partir. Non, non, maintenant, ça, je regrette, mais je ne peux pas. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec un ami. Quel ami? Ah, vous ne le connaissez pas. Où avez-vous le rendez-vous? Je sais pas, il m'a téléphoné. Alors, vous n'avez qu'à laisser un message que vous êtes sorti. Oh non, je ne peux pas faire ça, voyons. Si, vous pouvez. Non, il a quelque chose de très important à me dire, paraît-il. Non! Comment non? C'est peut-être important pour lui, mais pas pour vous. Une seule chose est importante pour vous maintenant, Jimmy, c'est de faire ce que moi je dis. Now, be a good boy and do what I say. Ah non, mais je vous répète que je ne peux pas, là. Et moi, je dis, je veux comment, Jimmy? Non, de... No. Non, j'irai vous rejoindre plus tard quand j'aurai fini, mais maintenant, je ne peux pas. Attention, Jimmy. Nous ne sommes pas encore mariés, vous savez. Oui, je sais, je sais. Vous avez tort, peut-être? Ça se peut. Écoutez, je vais maintenant à côté à la banque, j'ai pour un quart d'heure environ et vous pourrez venir me chercher. Hmm? Dans un quart d'heure, je ne sais pas si j'aurai fini. Vous vous arrangerez d'avoir fini. En tout cas, je n'attendrai pas. De ma vie, je n'ai jamais attendu. Goodbye. Bye. Hey! Un quart d'heure. Ouh là là, ben ça va être gay les histoires. Chasseur! Monsieur? Allez demander l'entrée, ce n'est pas venu quelqu'un pour moi, une dame. Bien, monsieur. Ah, t'en voilà, toi? Eh ouais, me revoilà. J'étais pris de m'excuser pour tout à l'heure, mais j'étais très pressé. Dis Antoine, il ne m'a pas demandé. Non. Il n'est venu personne, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, sa sœur! Est-ce qu'Antoine, il n'est pas là? Il est dans les étages, monsieur. Ah, bien. Qu'est-ce que tu lui veux, Antoine? Il doit me donner une réponse. Ah, dis donc, il paraît que t'en fais de belles, toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait, moi? Tu as enlevé Lily, à ce moment, elle était dans tous ses états. Premièrement, je n'ai pas du tout enlevé Lily. Secondement, je veux dire que ta mère, il commence à m'embêter à moi, hein? Ouais, mais moi, ce que je dis, tu sais, ça m'est égal. Hein. Lily est assez grande pour savoir ce qu'elle a. Hein. Ouais, bah moi, en tout cas, je n'ai rien à faire avec elle. En blague. Ça n'a pas collé? Ce n'est pas la question de coller ou de pas coller. Moi, je ne me soucie pas de Lily. Eh bah, ben, mon vieux, tu as tort. D'abord, elle demanderait que ça, puis qu'on pense une bonne fille. Il t'aurait moins d'embêtements qu'avec Christina. Ah, et Christina, ou Lily, ou une autre, c'est pareil. Moi, j'ai fini avec les femmes. Tu as fini avec les femmes? Si. Tu plaisantes? Non, je ne plaisantais pas. Tu peux demander à Antoine, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? M'arrive que moi, j'en ai assez! Toutes les femmes, elles sont des menteuses, sans escrupules et sans délicatesse. Promettent toujours et jamais ne tiennent. Profite de ce que nous sommes sans expérience. Pourquoi trop jeunes s'amusent à nous abaisser et après nous méprisent. Des esclaves, voilà ce qu'ils font avec nous. Toujours à la disposition. Jamais de liberté, jamais de respect, jamais d'affection. Et quand tu leur as tout sacrifié, ton honneur et ta réputation, alors ils ont assez et prennent une autre. Eh ben, t'es pas gay, ça. Ce n'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'on peut y faire. On peut s'en passer, les femmes. Tiens! Oh, penses-tu? Et comment? En travaillant. C'est ça que moi, je veux faire. Tu veux travailler? Je vais entrer comme secrétaire d'une lord anglais. Non. Si. Eh ben, ce sera pas très rigolo. Tu crois que c'est rigolo? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, moi? Ben, je te dis pas, mais tout de même. Moi, 100 000 fois que je préfère de travailler pour gagner ma vie. Non, alors toi, tu es ton maître. Quand ta journée finit, tu fais ce que tu veux. S'il te plaît de sortir, tu sors. S'il te plaît de rester, tu restes. Que si tu t'ennuies tout seul, n'est pas difficile de trouver une petite amie qui la soir est libre. Alors quand toi, tu as envie de faire l'amour, tu le fais. Mais quand tu n'as pas envie, surtout, tu ne le fais pas. Voyons, ça, ça a du bon, je le reconnais. Ça, c'était les jours. Non, pour arriver à gagner sa vie comme ça, mon vieux, c'est pas commode. Naturellement, tu dois renoncer au lousque. Ben, et comment? Moi, je n'ai pas besoin de lousque, moi. Moi, je suis aussi bien dans une taxi comme dans une Cadillac. Et au moins, dans une taxi, tu n'as pas les regards méprisants du chauffeur. Ah ben, je voudrais bien voir ça, par exemple. Eh ben, tu les verras, mon Jimmy, tu les verras. Mais ça, je te jure bien que non. Non, alors qu'est-ce que tu feras? Ouais, je flanquerai à la porte, pardi. Non! Tu ne pourras pas. Moi aussi, que je les croyais dans les débuts. Et que je l'ai essayé. Mais contre les chauffeurs, toi, tu as toujours tort. Ah, ils sont forts, les chauffeurs. Je te l'ai dit, moi. Et les maîtres d'hôtel, qu'ils oublient de te passer les plats à table. Et la femme de chambre, qu'elle te répond une insolence si tu lui demandes quelque chose. Oui, bah, qu'ils essaient un peu ce petit jeu-là avec moi pour voir. Non, naturellement, ils me feront, c'est partout pareil, ça. Pas quand tu es le patron, tout de même. Ne connaissez pas des patrons. Celui qui a l'argent, il est le patron. Demande un peu à Andréassi, quand il a épousé Lady Somerset, qu'elle avait gardé les maîtres d'hôtel de son premier mari. Ou une vieux bouteleur très mal embouché, comme ils en ont en Angleterre. Une an qu'elle a duré la bataille entre lui et Andréassi. Mais à la fin, c'est le bouteleur qui l'a gagné et Andréassi qui est parti. Non. Si. Mon pauvre Jimmy. Si moi, je pouvais te raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai supporté, toutes les misères et toutes les humiliations. Moi, je sais que toi aussi, tu me dirais assez pour moi. Basta. Basta con las mujeres, hombre. Oh, bah, t'en as de bonnes, toi. Je suis fiancé, moi. Fiancé? Bah oui, depuis hier soir. Avec l'américaine? Bah oui. Bah non. Bah si. Jimmy. Quoi? Ne fais pas ça. Pourquoi? Mais pourquoi? La plus terrible de toutes, elle est l'américaine! Ça, je te l'ai dit, moi! L'anglaise n'est pas si mauvaise. Pourquoi tu as en général une bonne éducation? Et puis, il n'a pas l'habitude que l'homme, il s'occupe d'elle. Alors, si tu es gentil, c'est les reconnaître. La française, assez bonne. Pas beaucoup dépensière. Mais fidèle. L'argentine, così, così. L'espagnol, ça, je ne sais pas, ne s'en voit presque pas. L'italienne, pas sûr. Un jour, très passionné, très éprise. Et le lendemain, futta, ne te connais plus. L'allemande, excellente, la meilleure de toutes. Si n'était pas la question du physique qui... Mais l'américaine, épouvantable. Je préfère dépasser 10 ans de ma vie avec une autre que seulement un mois avec une américaine. Et ça, je l'ai dit par expérience. Pourquoi l'an passé, j'ai été avec une, moi. Oui, c'est Mrs. Girth. Oui. Aïe, aïe, aïe, aïe. Un véritable enfer que c'était ma vie à moi. Mais à ce point-là? Mais que si on me donnait 30 millions, je ne voudrais pas recommencer. Mais elle a pourtant l'air gentille. Ici, oui. Pourquoi ici, ils ne se montrent pas comme ils sont vraiment? Mais là-bas, tio, que calamidad. D'abord, jusqu'au dîner, tu ne dois pas sortir. Allons donc. Pourquoi dans ces pays, tous les hommes, ils travaillent? C'est l'habitude. Alors, ceux qui ne font rien, ils doivent rester chez eux pour qu'on pense qu'ils travaillent aussi. Sinon, on serait méprisé. On semblait. Ah, bah, les femmes, ils sortent, se promènent, déjeunent les unes avec les autres, vont dans les magasins, s'amusent toute la journée. Mais toi, non. Bah, tu peux toujours aller au cinéma. Les femmes, oui. Mais si toi, tu allais, on pourrait te rencontrer. Oh, zut, alors. Seulement les soirs, tu as le droit de sortir. Alors tu vas dîner chez des amis, qu'il y a beaucoup de cocktails, que les gens ils parlent tous ensemble, et jamais à toi. Quand tout le monde il est ivre, te fais signe ta femme qu'il veut rentrer, et commence à t'insulter dans la voiture, pourquoi tu n'es pas suffisamment amoureux. Et c'est comme ça tous les jours. Et un beau matin, en te réveillant, on te donne une lettre, que ta femme il est partie à Palm Beach, et que toi tu dois aller voir les lawyers. Qu'est-ce que c'est que ça? Lawyer. Ça, oui, une espèce d'avocat, c'est. Mais alors? Alors, t'es dit, les lawyers, que tu dois retourner en Europe et te donne les billets du bateau. Ça veut dire que ta femme, il a trouvé une autre. Mais si tu refuses de partir? Moi, j'ai refusé. Mais alors? Alors, le lendemain, est venue la police. Qui m'a demandé mes moyens d'existence. Et là-bas, tu ne peux pas dire que tu as un ami, ça n'est pas reconnu. Alors j'ai lâché, je suis parti, moi. Et 2 mois que j'ai été obligé de me soigner en arrivant ici, Pourquoi j'avais l'estomac démoli par les cocktails? Charmant. Oh, n'est pas un pays pour nous, ça, Jimmy. Tu crois? Ah, oh, bah si tu y vas, tu les verras. Hein. Mais il faut bien que j'y aille. Mais alors moi, j'étais plein. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais comme moi. Travaille. Oh, oh, oh, oh, oh. Pourquoi tu ne te maries pas avec ces petites Nicole qui la laisse si gentille? Mais pourquoi? Parce qu'à nous deux, nous n'avons pas un franc, pardi. Bah, et déjà, elle travaille avec ta sœur, non? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais un commencement! Petit à petit va augmenter sa situation. Mais au bout de combien de temps? Ah, l'argent, c'est pas le bonheur, Jimmy. Et mieux pour toi de te priver un peu avec celle qui te plaît que d'avoir tout ce que tu veux avec une autre. Pourquoi ça? Tu les payes trop cher. Ne me répète donc pas ça tout le temps. Si tu crois que c'est un moyen de me donner du courage... Alors moi, je n'ai dit plus rien, moi. Monsieur Antoine vous fait dire que vous pouvez monter voir ce monsieur, il vous attend. Oh, bien, bien, quel numéro de la chambre? 93, je vais vous faire accompagner. Si, hasta luego, Jimmy. Ouais. Bah, tu sais, j'étais plein, moi. Oula. Jimmy reste rêveur un instant. Il regarde à droite, à gauche. On sent qu'il attend. C'est pas malheureux. Il y a une demi-heure que je t'attends. J'avais un travail fou au bureau, je suis venu en courant, mais tu sais, je ne peux rester que deux minutes. Alors ça y est, paraît, tu es fiancé? Qui te l'a dit? Mais Lily, ta mère m'a téléphoné ce matin. Je te félicite. Oui, oh, ça va, ça va. Tu es content, je pense. Ton nouveau chapeau, ça? Oui, s'il te plaît. Assez, oui. Embrasse-moi. Mais tu es fou, voyons, tu oublies que tu es fiancé. Embrasse-moi, je te dis. Viens t'asseoir. Mais va falloir que je me l'aille tout de viens suite. Viens t'asseoir. Écoute, Nikki. Quoi? Combien gagnes-tu chez Lily? 35 000. Par mois? Oui, et puis j'ai un 10% sur les commandes que j'apporte. Je me ferai dans les 700 000 cette année. En tout? Ah oui, naturellement. Oh là là là là là là là là là là. Mais tu trouves que c'est pas beaucoup? C'est dérisoire. Mais pense qu'il y a non seulement que j'ai commencé, oh, et puis j'ai toutes mes robes qui ne me coûtent presque rien. Eh ben, il manquerait plus que ça. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Oh. Dis, Jimmy. Pour rien, pour rien. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Dis. Mais quoi? Tu crois qu'il me prendra avec lui à la banque, ton parrain, si tu lui demandais? Jimmy! Oh, mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Bah, ça veut dire que... Pourquoi? Mais Jimmy, tu m'en folle! Surtout, va pas t'imaginer que c'est une chose décidée, hein. Je veux simplement me rendre compte si... Mais c'est quoi? Bah, si en se serrant tous les deux, on arriverait à étaler. Tous les deux? Oui. Oh, Jimmy, c'est vrai, tu veux? Oui, je veux, j'ai pas dit que je voulais! Je veux me rendre compte, là! Oh, mais alors, Dorothée! Quoi, Dorothée? Mais tu ne l'épouses plus? J'en sais rien, là. Oh, mon Jimmy, mais c'est fou, ça, c'est merveilleux! Mais doucement, doucement, tu vois, tu recommences à t'emballer. Il s'agit que t'as un projet, tu m'as compris. Oui. Bon, avant tout, faut tâter ton parrain. Oh, je vais aller le voir tout de suite. Oui. Non! Oh, si je ne pourrais pas attendre, il m'attrape, tant pis. Je saute dans un taxi et je reviens te donner la réponse. Bon, bah alors, tâche de savoir ce qu'il donnerait d'abord pour commencer. Oui, ta mère le sait. Ah non, naturellement. Et quand lui diras-tu? Il faut d'abord avoir la réponse de ton parrain. Quelle réponse? Oh ben, je t'expliquerai. Alors, à tout à l'heure, Jimmy. Oui. Alors, madame. Vous savez que Jimmy est fiancé? Oui, madame. Oui. Ben alors, il serait préférable que vous veniez le voir un peu moins souvent maintenant. Bien, madame. Vous comprenez pourquoi? Oui, madame. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, Jimmy. Fais ce que je t'ai dit. Bon. Ah, c'est pas très intelligent de la recevoir ici. Et puis qu'est-ce que c'est que cette réponse dont vous parliez quand je suis entrée? Bah, elle t'avait demandé à son parrain s'il me prendrait avec lui à la banque. Te prendre avec lui? Oui. Pourquoi faire? Bah, pour travailler. Pour travailler? Oui. Et qu'est-ce que ça signifie? Je crois que je vais pas épouser de Dorothée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, seulement nous avons eu une explication tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça durerait pas trois mois. Mais, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, elle a commencé par faire une scène parce que j'étais pas allé lui dire bonsoir chez elle. Ça, tu vois, je te l'avais dit. Mais que tu veux rien qu'à l'idée de me trouver seul avec elle, moi j'en suis malade. Enfin, mais qu'est-ce que tu as contre elle? Elle est jeune, elle est jolie. Ah, je te dis pas le contraire, mais c'est plus fort que moi. Ah, vous auriez pu t'apercevoir de ça plus tôt. Oh, bah, il y a longtemps que je m'en suis aperçu, moi je pensais que ça passerait. Oh, bah, bien sûr que ça passera. Ah, non, ça augmente plutôt qu'autre chose. On prend toujours ça au début, mais ça s'arrange, Dieu merci, on s'y fait. Ben, tu n'es pas le premier qui aura épousé une femme sans en être passionnément amoureux. Il y en a d'autres qui sont joliment plus à plaindre que toi, tu sais. Tiens, pense à ton cousin Gomez, qui a épousé une bossue, de 15 ans plus âgée que lui. Ben, il avait des dispositions que j'ai pas, moi. Ah, oh, ben, on prend sur soi, mon enfant. Ah ouais, c'est facile à dire, ça. Mais songe à la vie que tu vas avoir là-bas. Je me suis rendu compte tout à l'heure, en causant avec elle, qu'elle est encore beaucoup plus riche que nous le pensions. Oh, tu vas être choyé, dorloté, un vrai coq en pâte. Ah, oh, j'ai amusé tes amis quand ils vont apprendre ça. Et Clarisse. Ah, ça, je me réjouis d'avance de voir sa figure. Mais bah, tu tombes mal. Je vais avoir des renseignements sur la vie qui m'attend là-bas pas plus tard qu'un quart d'heure. C'est une vie de galérien. Mais qui t'a donné ces renseignements? Quelqu'un qui l'a mené, cette vie-là, puis qui sait quoi s'en tenir. Ah, bah, mais qui ça? Carlos. Carlos? Moi, je me demande un peu de quoi il se mêle, celui-là. Bah, en tout cas, tu peux pas dire qu'il y connaît rien. Alors, c'est lui qui t'a mis ses belles idées en tête? Oh, c'est pas seulement lui. Ah, c'est du joli. Alors, il suffit pas à ce monsieur d'essayer de séduire ma fille, il faut encore qu'il entreprenne de débaucher mon fils. Quoi, parce qu'il m'a conseillé de travailler? Ouf, travailler. Mais mon pauvre enfant, est-ce que tu te rends compte où ça peut te mener de pareilles idées? Dis, est-ce que tu te rends compte? Mais d'abord, de quel travail es-tu capable? Veux-tu me le dire? Oui, oh, ça, il y en a pas beaucoup, évidemment. Ah. Mais il n'y a pas de quoi t'en vanter. Si tu m'avais fait apprendre un métier, j'en serais pas là. Un métier? Bah. Mais bon, quoi faire? Est-ce que tes frères ont un métier? Votre métier, c'est de vous occuper de vos femmes et de les rendre heureuses. Voilà. Un métier. Mais qu'est-ce que tu feras si tu n'y pousses pas Dorothée? Bah, d'abord, Nicole gagne sa vie. Bah, mais qu'est-ce que Nicole va faire là-dedans? Bah, si je l'épouse. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah oui, quoi, t'avais pas compris ça? Salut. Tu épouseras Nicole? Bah oui. Jimmy. Oh là là, Jimmy, c'est pas vrai, dis. Oh là là, Jimmy, tu dis ça pour me taquiner. Mais non, maman. Ah non, c'est trop, j'ai pas mérité ça. Il y avait déjà Philippe avec sa ruse, et maintenant celui-ci. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, ton père et moi, pour avoir des enfants pareils? Enfin, qu'est-ce que tu lui reproches, Nicole? Non, écoute, j'aime mieux ne pas te répondre. C'est tellement insensé. Regarde, d'ailleurs, j'aurais dû m'en douter qu'avec ces airs de Sainte-Nitouche, cette petite intrigante arriverait à ses fins. Ça, tu te trompes, elle est pour rien à tout ça. Non, vraiment. Non, elle-même, voilà tout, et moi aussi, je l'aime. Oui, c'est entendu, vous vous aimez, mais c'est ça qui vous fera vivre. D'abord, Nicole, je le fais actuellement dans les 900 000 par an chez Lily. Alors j'aurais lutté pendant 25 ans. Moi, je me serais privé de tout pour t'élever comme tu l'as été. Et au moment où tu peux épouser une des femmes les plus riches d'Amérique, tu lui préfères une malheureuse qui gagne 900 000 francs par an. Ah. Mon enfant, ce n'est pas bien ce que tu fais là. Oh. Mais non, tu entends, ce n'est pas bien ce que tu fais là. Enfin, c'est pas de ma faute si je peux pas l'avoir en peinture. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu peux bien essayer en tout cas. Si vraiment c'est au-dessus de tes forces, c'est bien... Ben vous divorcerez, voilà tout. Oui, puis pendant ce temps-là, Nicole en aurait épousé un autre. Mais non. Mais si, mais je suis pas le seul, tu sais, la trouver jolie. Elle peut bien t'attendre, puisqu'elle t'aime tant que ça. Oh, écoute, Jimmy, je t'en supplie, fais ça pour moi, je t'en conjure. Oh, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la mémoire de ton père qui t'aimait tant. Et qui doit être tellement navré, s'il voit de là-haut ce qui se passe. Mais prends exemple sur lui, mon enfant. Mais crois-tu que ça l'amusait d'épouser Clarisse? Et pourtant, il l'a fait, lui, parce qu'il le fallait. C'est pas la même chose. D'abord, elle l'emmenait pas en Amérique. Ah oui, c'est entendu. Oh, mais aussi, quelle différence de fortune. Tiens, écoute, je ne devais pas te le dire, parce que Dorothée ne voulait pas que tu le saches maintenant. Attends, puis je te le dis tout de même. Eh bien, voilà, nous avons causé tout à l'heure. Ah, et alors? Eh bien, ce qu'elle propose comme arrangement financier est plus qu'acceptable. Je peux même te dire que ça va au-delà de ce que j'espérais. Mais qu'est-ce qu'elle propose? Ah, ça, quand je dis ce qu'elle propose, je crois qu'il n'y a pas à discuter. C'est à prendre ou à laisser. Mais enfin, voilà. Elle règle naturellement toutes les dépenses de la maison. Ah. Les autos, les voyages, enfin tout. Toi, tu n'as absolument à t'occuper que de tes dépenses personnelles et des sorties quand tu es avec elle. Et pour ça, elle te fait une pension de 2 000 $. Par an? Oh, mais non, mon chéri, par mois. blague. Ben oui, c'est ce qu'elle donnait à ses deux premiers maris. Mais c'est sûr, ça? Mais oui, je te dis, mais alors mon chéri, tu vas être raisonnable, c'est folie, hein? Oui, mais Nicole... Oh, mais Nicole est une très brave petite fille qui comprendra très bien, j'en suis sûre. Tiens, veux-tu que je lui parle quand elle va revenir? Ah non, ça je t'en prie. Ouais, comme tu voudras. Mais surtout, fais-lui bien comprendre qu'à partir de maintenant, sa présence ici est tout à fait indésirable, n'est-ce pas? Mais... Me réponds-moi, voyons. Quoi? Mais oui. S'il faut absolument que tu la vois, ce que je réprouve naturellement... Eh bien, voilà ailleurs. Mais putain, je dois être un peu gentille avec Dorothée. Non, mais franchement, tu peux, après ce que je viens de te dire. Oh. Ben, où est-elle? Je sais pas, elle est allée se commander des robes. Tiens, voilà Nicole. Ah bon, alors je vous laisse. Tâche que ce ne soit pas trop long, cette conversation, parce que si Dorothée rentrait, ça ferait le plus mauvais effet. Ah, Nicole, venez, mon enfant, Jimmy vous attend. Je n'aime pas beaucoup quand ta mère me parle de cette façon-là, c'est mauvais signe. Écoute, Nikki. Ah bon? Quoi? Ne donne pas la peine, ben j'ai compris. Oh, du reste, j'avais pas beaucoup d'illusions en partant. Je pensais bien qu'elle viendrait à bout de te retourner. Seulement, tu aurais vraiment pu m'éviter de parler à mon parrain. Hein, c'était bien inutile. Je suis désolée, Nikki. Ah, merci, t'es bien bon. Je te jure que je suis plus à plaindre que toi dans tout ça. Ah, tu trouves? Ah oui. Es-tu capable d'avoir un peu de patience? Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. Quelle histoire? C'est pas une histoire, je sais que ça marchera pas. Mais si tu le sais, pourquoi l'épouses-tu? Bah, j'ai mes raisons. Peux-tu te figurer que ta mère te laissera divorcer? Oui, puis je demanderai pas son avis. Mon pauvre Jimmy, à quoi ça sert-il de dire des choses comme ça? Tu me crois pas? Non, je ne te crois pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui? Il serait dans 2 ans. Je te répète que j'ai mes raisons pour épouser Dorothée, mais dans 2 ans. 3 ans, tout au plus. Ah, ça augmente déjà. Bah, je peux pas fixer ça un mois après, mais 3 ans, c'est un maximum. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura de changé dans 3 ans? Dans 3 ans, j'aurai des économies. Et alors, l'Amérique, ça finit, je te le garantis. Mais sur quoi ferais-tu des économies? Sur ma pension, j'ai 2 000 $ par mois. Veux-tu parier que j'en mets les 2/3 de côté? Je voudrais bien le croire, Jimmy. Il faut me croire. Je sais bien que tu es ma femme. Jimmy. Tu m'attendras? Je tâcherai. Tu dis? Oui, je t'attendrai. Jure. Je te le jure. Oh, mais toi, tu me jures que tu ne te laisseras pas faire la cour par d'autres femmes? Penses-tu, j'aurais bien assez de la mienne? Oh, Jimmy, ça va être long, 3 ans. Oh, ben, d'abord, c'est un maximum. Puis quoi, ça arrive souvent qu'un type soit obligé d'attendre 3 ans pour épouser une jeune fille parce qu'il n'a pas de situation. Ben, en somme, c'est exactement mon cas. Bon, maintenant, il faut que tu t'en ailles. Hein. Je te téléphonerai quand on pourra se voir, mais il vaut mieux que tu viennes pas trop souvent ici. Tu comprends? Naturellement. Embrasse-moi. Tu m'aimes? Tu sais bien que je t'aime. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur Jimmy. Oh, y'a pas de mal, on connaît pas de mal. Mrs. Freeman vient de rentrer, elle cause dans le vestibule avec Mme Leroy Gomez. Oh non, bon. Vous pouvez passer par l'autre côté, mademoiselle. Oh, c'est vrai. Au revoir, Jimmy, tu téléphones. Oui. Au revoir, Antoine. Au revoir, mademoiselle. Ma future femme, Antoine. Oui? Ah oui, dans 3 ans. Ah, voilà, alors Mrs. Freeman, c'est... Oh, c'est provisoire. Ah oui, bah, je comprends, vous faites un extra. Si vous voulez. Eh bien, tous mes compliments, monsieur Jimmy. Décidément, on n'a pas le temps de vous féliciter aujourd'hui. Jimmy, tu es seul. Va tout de suite trouver Dorothée. Elle vient de rentrer furieuse contre toi parce que tu n'es pas allé la rejoindre. Il faut absolument que tu ailles t'excuser. Mais oui. Où est-elle? Elle est montée. Elle t'attend chez elle. Pourquoi chez elle? Elle était un peu fatiguée. Elle est allée s'étendre. Déjà? Comment? Oh non, rien. Je croyais que j'avais jusqu'à ce soir, moi, enfin. Tu vas tâcher d'être un peu gentil, n'est-ce pas? Mais oui. Ah, mon pauvre Antoine. C'est pas rigolo, la vie. C'est un moment à passer, monsieur. Eh oui, 3 ans. Mais alors, quelle noce, Antoine. Trois ans, je suis bien tranquille. Dans 3 ans, il aura pris des idées un peu plus raisonnables. Oh, mon pauvre Antoine, ses enfants, quel tracas. Enfin, voilà un casé, malgré tout. Oui, mais Philippe, ça, il faut absolument que je lui parle sérieusement. Vous savez, ça ne peut pas durer ainsi. Christina finira par divorcer, c'est sûr. Justement, il est là-haut, monsieur Philippe. Ça là-haut. Chez sa femme, madame. Non. Oui, t'es arrivé il y a un petit quart d'heure. C'est pas possible. Oh, mais dis-toi donc, mon bon Antoine, mais c'est un peu meilleur signe, ça. Tiens. Est-ce qu'il finirait par s'assagir et par comprendre que son bonheur est auprès de sa femme? Oh, ça l'aurait bien mérité, la pauvre petite. Vous savez, il peut chercher ailleurs. Ça, il n'en trouvera pas beaucoup qui la vaillent. Oh, sûrement, madame. Douce, dévouée, fidèle. Dans une certaine mesure. Ça, enfin, elle avait bien des excuses, ça, il faut le dire. Oh oui, madame. Elle a eu une patience avec Philippe, mais elle sera récompensée, vous verrez, il finira par lui revenir. Ça se peut bien, madame. Oui, j'en serais bien contente, mon bon Antoine. Vous savez, je ne sais pas ce que je donnerais pour ça. Eh oui, madame, seulement pour ce matin, c'est madame Philippe qui lui a téléphoné de venir. Ah oui, oui, bah, ah, oui mais il est venu. C'est déjà quelque chose. Oui, madame. Pourquoi lui a-t-elle téléphoné, vous ne savez pas? Elle voulait lui montrer une lettre qu'elle a reçue ce matin. Une lettre? Une lettre de Buenos Aires, oui, madame. Des nouvelles pas trop bonnes, à ce qu'il paraît. Ah, de sa famille? Oui, madame, de son oncle. Tiens. Celui qui est président d'une banque. Ah, il ne va pas bien. Bah, c'est-à-dire, c'est sa banque qui ne va pas bien. Elle a fait de mauvaises affaires. Ah. Et comme c'est là que madame Philippe avait tout son argent, forcément, elle est assez ennuyée. Allons, bon. Mais c'est pas une chose trop grave pour elle. Ça, je ne sais pas trop, madame. En tout cas, elle paraissait très préoccupée. Vraiment? Ah, oui, elle répétait tout le temps, c'est la ruine. Quoi? Mais c'est pas possible, Antoine. Est-ce qu'il paraît que son oncle aurait spéculé et finalement aurait tout perdu? Non. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, madame. Mais c'est épouvantable. Ah, décidément, nous n'en sortirons jamais. Ah, oh, si même avec les fortunes argentines, on est plus tranquille maintenant. Ah, Manu, tu arrives bien. Bonjour, Manuza. Bonjour, mes trésors. Tu ne sais pas ce qu'Antoine vient de m'apprendre? Non, bonsoir, Antoine. Bonsoir. Christina a perdu toute sa fortune. Quoi? Oui, la banque où elle avait son argent à Buenos Aires avait de mauvaises affaires et elle est ruinée. Quelle banque? Celle de son oncle? Oui. Oui, monsieur. Nom de Dieu. Quoi? Tu peux me garder les enfants salariés? Mais oui, pourquoi? Mais j'ai 3000 actions de cette banque en portefeuille. On m'avait dit que c'était une affaire d'or. Je vais tâcher de les vendre, moi. Il y a des gens qui prétendent que j'ai de la chance. Ah ouais, décidément, c'est la série noire qui continue. Dis, Marita, où qu'il est allé, papa? Ah, je ne sais pas. Écoutez, mes enfants, allez jouer plus loin, parce que pour le moment, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. N'y allez pas, monsieur capitaine, nous allons jouer tous les trois. Voulez-vous dans le hall à côté? Je crois qu'il ira assez tard. Oh, quelle histoire. Maman, je te cherchais, il arrive à Christina une chose très désagréable. Oui, je sais. Antoine vient de me le dire, il est ruiné. Oui, à peu près. Enfin, on n'a pas idée de confier toute sa fortune à son oncle, c'est insensé. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait s'en servir pour spéculer. Elle ne pouvait pas prévoir. On prend ses renseignements dans ces cas-là. On ne raconte pas qu'on a une fortune de, en valeur argentine de tourpeau pour se réveiller un beau matin ruiné par un oncle indélicat. Ah, ce serait trop commode. Enfin, ça la regarde. Ben, voyons, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, tu comprends bien que je ne vais pas abandonner Christina dans de pareilles circonstances. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Mon devoir est de rester auprès d'elle. Ah, voilà. C'est bientôt la vie, je pense. Oh, moi, mon enfant, je n'ai pas de conseils à te donner, tu es seul juge. Je trouve seulement qu'étant donné la conduite de Christina ces temps derniers avec ce Carlos, eh bien tu aurais certains motifs de te montrer un peu moins généreux. Non, nous avons décidé d'oublier tout ça. Ah. Ah bon? Bon, très bien. C'est très beau ce que tu fais là, mon enfant. Ah si, c'est très beau. C'est pas très intelligent, mais... Mais c'est très beau. C'est assez naturel, non? Oui. Mais dis-moi, cette jeune dame russe, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Luba? Oui, tu la quittes naturellement. Forcément. Pauvre petite. Enfin. Oh, elle n'a plus tellement besoin de moi. Grâce à Christina, qui était extrêmement chic hier soir, j'ai réussi à ranger la cure de la buie, c'était le principal. Et puis je ne suis pas inquiet pour elle, elle se débrouillera, elle a l'habitude. Tandis que Tina, toute seule, sans argent, qu'est-ce qu'elle deviendrait si je l'abandonnais? Ah, parce que c'est toi qui comptes la faire vivre à présent. Ah, dame. C'est inouï. J'ai pensé que Lily pourrait peut-être me prendre chez elle. Ah, parce que tu vas travailler toi aussi, bien entendu. Ah, mais il faudra bien. Eh bien, décidément, c'est une épidémie. Enfin. Monsieur Philippe, madame vous cherche. Ah, prévenez-la que je suis ici. Dis-moi, dis-lui quelque chose d'affectueux, n'est-ce pas? Mais Dieu, que je lui dise. Mais je ne sais pas, qu'elle sente ta sympathie, voilà tout. Ah, Philippe, tu es là? Philippe, il vous a dit, signora? Ah, oui, il m'a dit. Ah, quel malheur, n'est-ce pas? Ah, là, vous pouvez le dire. En fait, malheur, on ne fait rien de mieux. Ah, bah. Je vous plains beaucoup, ma pauvre enfant. Merci. Vous avez vraiment tout perdu? Ah, oh, presque tout. Ah, c'est charmant. Enfin, ça vaut mieux que de se casser une jambe, dit-on. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas si sûr que ça, parce qu'une jambe cassée, ça se répare. Et tandis qu'une fortune perdue, ça ne se répare pas, j'en sais quelque chose. Allez, je vous demande pardon. Faut absolument que j'aille m'occuper des enfants de Manuel. Il est parti comme un fou, les laissant sur les bras. Ah, où sont les enfants? Écoutez, madame, il s'amuse. Bon, j'y vais. Mrs. Freeman vient téléphoner que madame n'attend pas monsieur Jimmy pour les déjeuners. Il restera avec elle pour lui tenir compagnie. Ah, la bonne heure. Celui-là, enfin, me reste. Elle n'a pas l'air très contente, la signora. Oui, tant pis, ça lui passera. Tu n'es pas trop fatigué, tu ne peux pas te reposer. Ah non, ça va très bien. Ah oui, ah oui, oh, c'est-à-dire que ça va aussi bien que ça peut aller dans un moment pareil. Ah. Bon, alors veux-tu que nous allions déjeuner tous les deux quelque part où on soit tranquille? Ah oui? Oui, enfin, ça c'est comme tu veux, parce que tu sais, moi, je n'ai pas beaucoup faim. Ah oui, mais il faut tout de même se nourrir, hein. Alors, tu as la voiture? Ah oui. Bon, alors autant en profiter, hein. Hein, puisqu'elle est là. Alors, nous partons? Nous partons. Au revoir, Antoine. Au revoir, monsieur Philippe. Je viens tout de suite, hein. Ah bon? Antoine, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que j'ai réussi? On le dirait, madame. Ah, vous voyez, moi je le savais. Récemment, madame Fabienne a envoyé un petit mot à son oncle pour l'avertir parce qu'il a pris quelque chose depuis ce matin. Pauvre! Oh, vous avez raison, à ça je vais le faire. Eh bien, tu n'as plus. Ah, voilà, vous savez. Avec la mine très déconfite. Très bien, vous avez vu Lord Stilton? Ça n'a pas marché? Pourtant, quand je l'ai quitté, il était tout disposé à vous prendre comme secrétaire. Vous appelez ça une secrétaire, vous? Ah bah! Alors, je préfère encore les femmes. C'est donc pour ça qu'il me demandait si vous étiez brun ou blond. Ah, ah oui, je me disais aussi. Ah, je suis désolé, monsieur Carlo, je ne me doutais pas de ça, autrement. Je vous aurais tout au moins prévenu, ça ne plaît pas à tout le monde, ça, évidemment. Moi, ça ne me plaît pas, ça. C'est bien votre droit, monsieur Carlos. Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Eh bien, on tâchera de vous trouver autre chose que vous voulez. Manon, Manon. Mais ça sera encore pareil, allez. Mais je le vois bien maintenant. Que pour un homme qui a les malheurs d'être un peu joli garçon, rester honnête, c'est pas possible. Ça, c'est difficile, monsieur Carlos, je le reconnais. Coucou. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Coucou. Ah, celle-ci, j'espère que vous ne me la renverrez pas. Regardez ça, Antoine, si c'est beau. Oh, mais en effet, mademoiselle, c'est magnifique. Mais vous savez, on peut chercher des défauts. Eh bien, vous en avez de la chance, monsieur Carlos, de recevoir des cadeaux pareils. Je n'en veux pas. Oh, comment elle ne vous plaît pas, cette bague? Moi, je n'accepte rien de vous. Pourquoi? Pourquoi j'ai entendu qu'est-ce que vous avez dit à votre mère au téléphone? Oh, alors c'est pour ça que vous m'avez renvoyé mon petit scarabée? Si. Quel enfant vous faites, Carlos? Antoine, donnez-lui la bague. Ah non, c'est inutile. Merci, monsieur Carlos. Je vous dis que je n'en veux pas, moi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être trop exigeant dans la vie. Ah, il aurait peut-être mieux aimé une perle pour sa cravate. Non. Ça, c'est déjà deux. Et une jolie parure pour votre chemise. Ça, j'ai aussi, 6. Oh, es-tu gâtée tout de même, 6. Antoine. Mademoiselle. Viens avec moi, parce que Manolito ne veut pas jouer, Mamita non plus. Oh, maman est là? Oui, mademoiselle, à côté. Oh, allons bon. Bonjour, tante Lily. Bonjour, mon chou. Hey, écoute, Carlos, je te préviens que je file. Moi, j'ai déjà eu une scène avec maman ce matin, je ne tiens pas à recommencer. Qu'est-ce que tu décides? Donnez votre main, monsieur Carlos. Oh. Mais pourquoi faire? On est toujours là. Ma montre, elle va bien comme taille? Oui. Oui, alors tu veux bien venir déjeuner avec moi? Mais oui, il veut bien, n'est-ce pas, monsieur Carlos? Mmh. Ah, bonheur! Oh, dépêchons-nous, voilà maman! Au revoir, Antoine! Merci! Ce n'est rien, mademoiselle. Ah, vous ne le regretterez pas, vous verrez, monsieur Carlos. Non. Ah, peut-être elle va les regretter. Pourquoi donc? Pourquoi je vous garantis que ça va lui coûter quelque chose, moi? Je crois qu'on vous a appelé, mademoiselle. Alors, viens avec moi. Ah, ben, pas moi, il faut que je travaille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, Pépita? Lui, Antoine, laisse-le tranquille, il va jouer avec ton frère. Il ne veut pas. Mais si, demande-lui gentiment. Allons, va. Ah, vous connaissez la nouvelle invention de Philippe, Antoine? Mais sa femme est ruinée. Alors il lui revient. Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous dites de ça? Enfin, vous croyez que ce n'est pas désespérant? Oh, à la place de madame, je ne m'inquiéterai pas. Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Non, madame. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout ça finira par s'arranger. Comment voulez-vous que ça s'arrange? Si madame voulait me croire, elle cesserait une bonne fois de se tourmenter au sujet de ses enfants, parce que faits comme ils sont, ils se tireront toujours d'affaire. Ah, mais c'est facile à dire. Il y a 22 ans que je suis ici, madame, et bien je n'ai encore jamais vu de messieurs comme eux manquer de quelque chose. Non, ils le voudraient qu'ils ne le pourraient pas. Que le ciel vous entende, Antoine. Oui, madame, même sans ça. Mamita, Manolito ne veut pas jouer avec moi. Oh, mais vous êtes assommants tous les deux. Voilà, il veut que je lui donne des sous. Eh bien, lui en. J'en ai pas. Tiens, donne-lui ça. C'est pas assez. Comment c'est pas assez? Mais qu'est-ce qu'il faut alors? 500 francs. 500 francs? Très bien, monsieur Manuel, ne vous laissez pas faire. Hein? Mais qu'est-ce que tu en feras? C'est pour mettre dans ma tirelire. À la bonne heure. Tiens, hey. Effilez maintenant. Déjà sérieux comme un petit homme. Eh bien, madame peut dire ce qu'elle voudra. Moi, je trouve qu'elle a de la chance avec sa famille. Oh, voilà. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la communauté radiophonique des programmes de langue française, relayée par l'Institut national belge de radiodiffusion, la radiodiffusion Télévision française vient de vous présenter le spectacle de la Comédie française, salle Luxembourg, à Paris. Le sexe faible, pièce en trois actes d'Édouard Bourdet, qui vous a été donnée avec le concours de Messieurs Jean Meyer, Jacques Charon, Robert Hirsch, Jean Piat, Georges Descrières, Jean-Claude Armand, René Camoin. Avec mesdames Micheline Boudet, Denise Noël, Marie Sabouret, Lynn Noreau, Denise Jans, Michel Grélier, Gabriel Dorzia, Françoise Carrel, Denise Pezzani et les élèves du conservatoire, messieurs Rio, Périmoni, Tourin et mademoiselle Véronze. La mise en scène est due à Jean Meyer. C'est Charles Houlemont qui assurait la présentation de cette transmission de la Comédie française à Paris.